Oh, ça, c'est, ah, c'est nul. Con, ah ouais. Mais ça, c'est vraiment les ouais, mais ça, c'est que la meuf. En vrai, elle t'aime pas, excuse-moi. Ouais, oui, mais t'as qu'à lui apprendre à jouer à FIFA. Ah, ouais. C'est. Non, mais t'as qu'à lui dire, elle se fait enculer. Tu peux aussi, pas demander ça à quand t'es avec une meuf qui te met. Non, mais excuse-moi, à moins que t'abuses. Parce que moi, ça m'est arrivé de sortir avec des meufs qui abusaient. Ouais. C'est-à-dire ouais. que, tu vois, elles sont là. Bah, si tu vas le samedi faire du foot avec tes potes, machin. Là, si elles abusent, bon, voilà. Après, faut pas abuser de son côté non plus. Faut essayer d'être un peu réglo. Exact. Voilà, faut essayer d'être réglo. C'est un jeu vidéo. Ça dépend. FIFA, tu joues genre 9 fois par semaine. Non, je pas, j'y joue 2-3 heures par semaine, c'est tout. Ouais, bah alors c'est en pas plus énorme. C'est nouveau ah, mais, pour toi, ah, là, ils viennent sortir en plus. Oui, mais après, ça dépend. Si t'es juste le samedi après-midi, c'est ça aussi. Si t'es libre juste le samedi après-midi. Franchement, ça te détend les jeux vidéo. Et que c'est les 3 bien. Heures où tu pourrais la voir, tu joues avec elle, et, enfin, tu joues à côté d'elle et tu la touches pas, toi. Ouais. Ah non, t'es fou, non. Des fois, je me demande si même FIFA, il me détendait plus qu'elle, en fait. Ouais. Après, c'est un autre problème, ça, ouais. c'est une chose. Ouais. Moi, je suis ému quand je joue à FIFA. De quoi, j'ai J'ai l'impression quand je joue à FIFA. Ah ouais. J'ai le standard, il joue sa life. Ah ouais, je suis énervé tout, hein. Non mais c'est bien de jouer. Après c'est important d'avoir des jeux aussi, excuse-moi. Ouais, mais un loisir. Oui, je vais t'épouser ma Jade du 80. Ah. On a un message qui en attend les retours. Ouais. Allez l'OM et JM du standard sur mon dos pour les coups de fouet. Salut à toi là. Depuis samedi, j'attends d'être lundi. Beaucoup trop long les week-ends sans vous, mais là c'est reparti pour une semaine de fou rire. Amandine Somain, salut à vous. Salut. Alors, t'as mis un ultimatum. Alors, est-ce que vous avez déjà eu pareil un ultimatum comme Jérémy là? Et t'as répondu quoi? Comment ça s'est passé alors avec cette meuf? Bah tellement que la question était conne. Bah moi j'ai fait une réponse conne, j'ai choisi FIFA. Ouais, ah après, ouais. Non, ouais, non mais après moi c'est vrai, les ultimatums c'est relou. Ah c'est chiant. Moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Moi j'ai jamais mis un ultimatum à une meuf avec qui je suis resté longtemps. Ça sert à rien. Non, je lui ai dit, parce que la meuf elle voulait, genre elle était en mode et voulait se marier, avoir un enfant à 20 ans et tout. Et je lui ai dit, y a pas de problème, pourquoi pas, mais je veux pas que tu fumes. Voilà. Ah, oula. Non mais je veux pas sortir avec une fumeuse, enfin je veux pas faire un enfant. À une femme c'est qui dur d'arrêter de fumer pour une non, parce que moi, ma mère, elle fume beaucoup et ça me traumatise un peu. J'ai très peur de ça, de la cigarette. C'est même l'odeur, merde, franchement. Et en fait, je veux pas. Je me dis, c'est chaud de s'investir, de faire sa vie avec quelqu'un qui, quand même, prend un truc au mercure et tout. Après, chacun fait sa vie, si vous voulez fumer, vous fumez. Mais moi, je veux juste pas faire un gosse. C'est une femme qui même fume. Même c'est un budget. Et qui fume pendant sa. La grossesse, ah non, ouais, ouais, pas. Bah voilà, mais ça, c'est. Moi, ma mère, elle a fumé. Hein. Et du coup, ça me fait hyper peur de ça. Ouais, bah oui. Et maintenant, je suis né avec un grand nez, je suis avec des grandes voix. Non, mais est-ce que vous avez déjà mis un ultimatum à quelqu'un quand vous étiez en couple? On vous en a déjà mis un. Moi, on m'en a mis un et j'en ai mis un aussi là pour la cigarette. Mais je vais vous raconter celui que j'ai mis, celui qu'on m'a mis après. J'aime du standard. Ouais, moi, on m'en a mis un pour les sorties en fait. Si tu supportes l'OM. Non, c'était quoi toi? Je suis sorti avec une fille qui était pour Paris et tout, mais c'est pas grave, tu vois, je peux pas faire de ouais, sur ça. Mais c'était en fait les sorties. Tu me rassures, j'ai bah oui, attends, il y a des sinon, j'allais avoir une confession de... intime. Mais oui, il y en a. Non, tellement vrai, SOS, ouais. Ma famille en détresse. C'est SOS, mon JM standard en détresse. C'était quand je sortais vraiment beaucoup, beaucoup. Je sortais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je passais aucun moment avec la fille. Elle m'a dit, bon, mais voilà, si tu continues à sortir autant, ça va s'arrêter. Et vu que j'ai continué, ben, ça s'est arrêté, quoi. Enfin, c'était juste de moins sortir. Ouais, voilà, c'était moins sortir. Avec elle, au c'était pire. Abusé. Ouais, mais non, je préfère être avec mes potes, quoi. Tu vois. Après, je comprends. Ouais, c'est normal. Je sors tout le temps grave, et tout. C'est relou, ouais. Alors, mettez-moi hashtag Guillaume défi, D-E-F-I-E. Hashtag Guillaume défi la mafia. Vous me proposez un défi qu'on va faire juste après. Je vous file une PS4 avec le jeu Mafia 3. Stagia, est-ce que pareil, t'as déjà eu un ultimatum ou tu as posé un ultimatum à une fille? Moi, je les pose jamais, en fait. J'aime pas. Ah, c'est vrai? C'est pas naturel. C'est-à-dire que si elle veut pas le faire, la fille, j'ai pas envie de la brusquer, tu ouais, vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'attends qu'on me le mette et on l'a mis souvent. Et il y avait une fille qui voulait les clés de chez moi. Alors moi j'ai du mal à filer les clés de chez moi à une meuf. Et elle a voulu les clés. Elle m'a dit si tu me les files pas, ben on se voit plus. Et okay. Du coup t'as filé les clés de chez toi? Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Je l'aimais bien, je l'aimais. Et puis je lui ai filé, mais à la première dispute après je les ai récupérés. Mais ah, c'est pas naturel, tu vois. Je me suis forcé à lui les donner. Ah c'est vrai, ouais je comprends. C'est pas bien. Après, après elle vient chez moi quand je suis pas là, par exemple. C'est pas grave. Ouais, mais oui, mais au bout de 6 mois, tu la connais pas très bien, je sais pas. Ah, si, quand même. C'est dur de filer les clés, quand même. C'est vrai, moi j'ai déjà filé les clés la première semaine. Bah oui. Ah bah non. Après, t'es complètement in love et tout. Tu dis, bah vas-y. En plus, ça fait un truc de les filer les clés. Ouais. Et maintenant, t'as les clés. C'est un petit truc. Bah ouais, voilà, c'est un petit truc. Bon, avant de la radio, elle t'attend et tout. Et pardon, j'ai senti. Tu rentres de la radio après, elle t'attend. Ah voilà, c'est agréable. Mais là, elle demandait pas en plus pour ça. Mais si vous voulez les clés, c'était pour avancer dans le couple. Ouais, mais les filles, parfois, elles font des petits pas pour avancer dans le couple. Il faut un petit peu se. Mais ouais. En fait, c'est, c'est donnant-donnant dans ce couple. C'est-à-dire que t'en j'avais pas les siennes, par exemple. Des petits gestes, etc. Et ben, mais si tu l'as demandé. J'avais pas les siennes, mais ils ont radé. Ouais, mais bon, demander, ça fait un peu gratteur, je trouve. Donc. Même sur les clés, il est radé. Non, mais c'est avec compliqué. Plus l'accent martien que le marseillais. dirait que c'est un morpheux derrière. Que des jeunes. T'as l'impression que le mec, ça y est tout petit. T'as l'impression que le mec, il fait 60 cm. Il bave et tout. C'est pour ça que j'imagine. C'est énorme. Ma droite, veux-tu m'épouser? Je la connais depuis longtemps, la blague, toujours là. Je suis plus la fille aux cheveux verts, mais maintenant les cheveux violets. Bah, je t'embrasse alors. Ah, voilà. Salut. T'es venu nous voir avec, dans l'émission à Kinvé à Rouen. Ouais, exactement. Ouais. C'était un rêve érotique. Ah, salut Madeline. Ah, bah tu vois. Hein. J'ai honte parce que je ne suis jamais sorti avec un gars. Et j'ai 18 ans. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est pas grave. Bah, ouais. T'inquiète. Ouais. Franchement, tu sais, le principal, c'est quand ça arrivera. Hein. Énorme le dossier sur toi tout à l'heure. Merci beaucoup quand tu présentes la météo. Gros bisous. Comment? Je n'ai plus le droit de parler. Ah, il faut savoir deux choses. Ah ouais. Non, vous savez quoi? Il y a la pub. Mais je vais vous faire une annonce qui va pas vous plaire dans deux minutes. Je vous raconterai dans deux secondes. Bonne blague. Je suis rugbyman et j'ai failli tuer un mec en le plaquant sur le terrain. Depuis, je me sens pas bien. Salut, 20 sur 20. Ah, bah doucement. Moi, j'ai les boules. Je me suis fait opérer des amygdales. Bonsoir à tout le monde. Salut. Je le connais depuis longtemps, cette blague. Est-ce qu'il y aura le juste prix? Mais bien sûr, il y a le juste prix. Il y a des FIFA 17 à vous offrir aussi. Des iPhone 7 qui vont tomber demain. Des iPad Air 2 ce soir. On a plein de trucs. Comme tous les lundis, on se fera le jeu des faits divers. Il faudra savoir si c'est des vrais faits divers ou des faux. Flo des cadeaux nous racontera 10 histoires de meurtres. Vous allez jouer avec nous à l'antenne. Vous passerez peut-être même par téléphone et tout ça. C'est sûr qu'il y a le thème aujourd'hui. Les cannibales. Putain, des vraies histoires de cannibales. Ah ouais, des vraies, ouais. Il y en a en France ou des pas? Des trash. Faut que je regarde, mais je pense que oui. Putain, suspense. On va parler de cannibalisme juste après. Bougez pas. Vous gagnez sur le pack énergie Apple Lady Gaga. Ah bon? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite, soyez les premiers à appeler énergie 3937. Et vous gagnez le pack énergie Apple Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est NRJ. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pepe Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Gagnez des télé, consoles PS4 Slim et le jeu vidéo Rise of the Tomb Raider sur PS4 avec énergie. Salut, c'est Manu. Écoutez Manu de 6h à 9h30 sur énergie et gagnez des télé, consoles PS4 Slim et le jeu vidéo Rise of the Tomb Raider avec énergie. Rise of the Tomb Raider, 20e anniversaire, disponible le 11 octobre sur PS4 avec énergie. Hit Music Only. Leclerc. En ce moment, chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le smartphone ailleurs. Écran 4 pouces et demi, 4 gigas, double SIM, compatible avec tous les opérateurs, est à 39,99€. Mais non. Ah si. Du 4 au 8 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le smartphone G30 bleu ailleurs est à 39,99€, dont 1 centime d'éco-participation. Voir modalité dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Lord, heaven's above. I'm only human after my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. Avec Sac Noël après Sean Paul. It's blow. Ce qui se passe dans ma tête parfois, salut par SMS, bah laisse ton numéro si tu veux parler. Ouais. Salut, moi je débarque, ça fait un moment que j'ai pas écouté, ça fait plaisir de vous réentendre. Eh bah gros bisous à toi. Salut. Salut à tous les chauffeurs Transalliance, big up à vous, vous êtes les meilleurs. Bonsoir, moi Anthony aussi. On était avec Kevin, t'es toujours là, Jérémy, pardon. C'est lui qui vient d'arriver, on va le retrouver dans deux secondes. Et Jérémy qui est avec nous au départ d'une ville anonyme. Et tu voulais réagir en fait, tu nous as dit qu'en fait, en gros, ta meuf, t'avais mis un vrai coup de presse, un vrai coup de pression, un vrai ultimatum, que si tu continuais de jouer à FIFA. Elle arrêterait de sortir avec toi. Et en fait, en gros, bah, t'as dit je préfère FIFA, etc. Et vous êtes séparés en gros. Ouais, et le truc, ça se fait dans tout le lycée en fait. Ouais, ah ouais, d'accord. Bah, c'est pas grave, ouais. Ouais, bah après, ça se sait, ouais. Et alors, et ça se sait, c'est-à-dire, c'est pas grave ça, non? Bah non, parce que genre, je venais d'arriver dans le lycée, personne me connaissait encore. Et après, voilà, je me suis fait connaître un peu comme ça au début. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était le mec qui avait choisi tout ça. C'est le nouveau. Ouais, y a Paul Bartel qui écoute l'émission et qui était acteur dans le film Ami Public, qui écoute l'émission. Je l'embrasse, ça voit un petit message. Bisous, bisous. Bon, bisous à toi, mon pote. Il me dit comment on fait pour gagner les iPads. J'ai trouvé de gagner. Salut à toi. Mais c'est trop bien, free. Arrêtez, c'est pas cher, Mordor. Salut, bisous. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas cher, mais quand vous avez free, vous pouvez plus m'envoyer de texto. C'est relou, quoi. Ouais. En tout cas, Jérémy qui est là. Est-ce qu'on vous a déjà posé un ultimatum? Dites-moi par SMS. Venez réagir en deux minutes. Guillaume et votre texto là au 6-11-12. Guillaume au début du message, il vous envoie votre histoire avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Est-ce qu'on vous a déjà mis un ultimatum? Ou vous avez déjà mis à une meuf en disant voilà, si tu continues à faire ça. Moi ça m'est arrivé de sortir avec une meuf qui a pris de la drogue une fois. Et enfin du MDMA là. Ouais, essayer. Un plein qui prennent ça là. Ça sert à rien. Un réveillon de Noël, je l'ai surprise en train d'en prendre avec des copines et tout ça. Et je lui dis, bah c'est pas compliqué si t'en prends. Au revoir. Moi j'ai dit, c'est pas mon dos, c'est tout, ça, c'est pas mon truc. Après, je juge pas ceux qu'en prennent, mais juste voilà. Je veux pas. Pression, Et en fait, en gros, bah, j'ai quitté de ma meuf à cause de ça. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Julia, tiens, qui est en couple avec une fille aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un ultimatum ou d'en mettre un? Bah, avec un mec, justement. Je sortais avec un mec il y a à peu près 2 ans. Et lui, il était fan de musculation. Alors, à peu près. C'est pas grave. Je fais ça tout le temps. Il était fan de musculation. Il allait tous les jours et tout. Je lui ai dit, franchement, c'est relou. Tu vas ressembler à un bœuf, tu vois. Il prenait des protéines, des machins. Enfin, vraiment, il était trop gonflé. Je lui ai dit arrête. Je lui ai pas dit c'est moi ou la musculation, mais je lui ai dit juste réduit. Et il a été gentil, il a réduit. Parce que vraiment, il était gonflé, ça m'excitait pas du tout. C'était trop pour toi. T'avais peur. Hein. Toi, t'aimes pas les mecs trop baraques. Non, c'est horrible les mecs. T'aimes bien les mecs avec des nichons, toi. Il y a les meufs, quoi. Non, mais bon, c'est bien d'être bien foutu et tout, mais pas trop, quoi. Ouais, après, il y a des mecs qui sont très gonflés. Après, ça plaît à des filles. Mais c'est rare, quand même. Attends, Guillaume, quand tu parles aux filles, généralement. Quand tu parles aux filles, généralement, peut-être à certaines filles que tu croises, il y a beaucoup de filles qui adorent les Chippendales. Évidemment. Ouais, mais il y en a plein qui fantasment dessus, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des Chippendales. C'est parce que c'est des meufs bien. Ah mais Chippendales, ouais, je suis d'accord. Et t'aurais aimé être un Chippendales. Bah franchement. C'est pas j'aurais aimé être un artiste, c'est j'aurais aimé être un Chippendales. J'ai été à des soirées, il y avait des Chippendales, franchement, moi si j'étais une meuf, je kifferais pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est trop gonflé, tu vois, leurs veines. Ouais. Même pour un soir, si j'étais une meuf, vraiment. Si t'avais la possibilité d'appuyer sur un bouton, d'avoir un corps de chipponel sauté, tu le fais ou pas? Non, je te jure que non. Tu fais pas. Autant un corps de sportif, un peu plus cintré, plus musclé. Plus sec, oui, mais ouais. pas chipendel, c'est exagéré. Bah non, mais attends, ça fait rêver un peu. Non, franchement, j'ai la possibilité d'appuyer sur un bouton. Change tout de suite, tu fais pas. Pas autant. Chipendel, vraiment, c'est beaucoup trop. Il y en a des fois, j'envoie à la salle. Donc là, tu gardes ton corps. Ouais, je suis bien, moi. C'est vrai. Ouais. Ton petit gars, ton petit bidou. Il est en train de partir, Guillaume. Il est en train de partir. Ouais, Flo, des cadeaux. Ouais. T'aurais aimé être un chipendel ou pas, non? Bah, pendant une journée, ouais, pour voir ce que ça fait. Pour voir ce que ça fait, ouais. Pour démonter des. Pour voir ce que ça fait. Salut, Guillaume, c'est mon anniversaire. Bah, bon anniversaire aujourd'hui. Est-ce que tu m'offres une place? Ouais. Bah, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 3 octobre, les gars. Bon anif à tout le monde. Ouais, je suis chez Free, tu reçois le message Guillaume dédicace à Romy Pache. Ah ouais, ça marche, je sais pas pourquoi. Ah bah comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de forfaits bloqués aussi à la con. Salut Guillaume, j'ai stagiaire, c'est la pupute de. Non, je peux pas dire non, ça. C'est pas la pupute de personne. Le mec est un bolos, il préfère FIFA à sa meuf, Gonaël du 49. Non, mais après, faut pas que la fille vous empêche de vivre aussi vos passions. Oui. Faut être entre les deux, quoi. Bah oui. Mais t'as le droit d'avoir une console et d'avoir une gonzesse. Non, il y a des gonzesses qui sont aussi trop possessives, envahissantes et castratrices, quoi. Ouais, c'est nul. Tu vas pas ci, tu vas pas ça, tu vas pas voir tes potes. Et alors moi, je calme direct. C'est nictatrice, là, pareil. Il faut montrer, parce que sinon, tu te fais bouffer. Une fille, t'es gentil avec elle, tu es mort. Non, il faut savoir dire. Crescendo à la fille. Je parle de certaines filles, mais il y a certaines filles un peu possessives. Il faut savoir leur dire Coco, t'es gentil et tout. Faut dire non, on est en couple, on est heureux. Par contre, me pète pas les couilles. Si je veux aller voir mes potes ce soir, je vais voir mes potes soir. Par contre, je suis ensemble demain. Mais voilà, laisse-moi aussi un peu de mou, tu vois. Avec les potes, c'est oui, voilà, faut pas non plus dire les deux soirs et tout. Après, c'est un mec qui râle ou faut pas avoir de meuf, quoi. Ouais. Mais faut savoir un peu. Faut doser. Doser, quoi. Guillaume et votre SMS, hein, au 612. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pareil, de vous retrouver comme ça, à mettre un ultimatum ou à avoir un ultimatum? Est-ce que vous en avez déjà mis un, Julia? Moi, on m'a jamais mis d'ultimatum parce que j'ai toujours été. Déjà, il a fait un bruit de langue. Alors, il a claqué le micro. Ah ouais, t'as un gros problème de bouche. Ce soir, c'est un peu bizarre. Mais j'ai les lèvres sèches. T'avais 203, t'arrives. Je sais pas, j'ai la bouche un peu sèche. Là, et bah, tout à l'heure, pareil, j'avais la bouche ultra sèche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a un virus peut-être qui. Non, j'en sais rien. Arrête de faire genre. Alors, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Non, moi j'ai toujours été sympa. Sans bugger. On essaie d'en faire une sans bugger. D'accord. Julien, on va se concentrer deux minutes. Je vais mettre une petite musique. Allez, où le bonheur? Il est où? Non, j'ai toujours été. Attends. Laisse chanter, Christophe. Il est où le bonheur? Il est où? Savoure. Il est où? Concentre-toi, bouge-toi la bouche. Et maintenant, c'est parti. Julien, essaie de nous faire une phrase sans bugger, s'il te plaît. Et tu nous racontes donc, du coup, l'ultimatum qu'on t'a déjà mis. Alors, moi, j'ai toujours essayé d'être assez normale en couple et de ne pas faire chier mon compagnon ou ma compagne. Ta compagnonne? Ouais. Du coup, on m'a jamais mis d'ultimatum parce que, voilà, j'ai jamais été relou, quoi. Ouais, t'as jamais été relou. Ouais. Ah, mais ça, c'est pas forcé, hein. Ouais. J'ai un stagiaire, son meilleur ultimatum, c'est une partouze avec les chiens. Non, les gars! Les chiens du quartier, ça va, j'ai les chiens du quartier. Arrêtez, les mecs. Non, c'est pas possible, ça. On n'a pas parlé, Guillaume. De quoi? Parce qu'on a bientôt. Alors avant la pub, on devait en parler. Putain. Et alors, vous voulez que je vous raconte un truc, les potos? Et je sais que ça va vous énerver. Ouais. Ah oui. Non, ça, je sais. Je vous connais. Ça fait 5 ans qu'on est là. Ouais. Et je sais que ça va vous faire chier. Mais je vais vous dire un truc. Il y a le CSA qui est sur mon cul. Je sais pas pourquoi. Ils sont tombés un peu sur Coco, là, sur Coé. Ouais. Et là, c'est pour moi. Là. Ils sont en train de demander des extraits pour vérifier si tout est bon dans l'émission, etc. Et à tel point qu'apparemment, ça dérange un petit peu qu'on fasse les pervers le mardi, qu'on chauffe des hommes en se faisant passer pour des femmes. Alors ça, franchement. Et on n'a plus le droit de le faire. Ah là là. Donc demain, je ne ferai plus les pervers. Je vais faire une manif tout seul, c'est dommage. Je veux juste dire, on est en 2016. Il y a des attentats. Il y a des gros problèmes en ce moment en France. Il y a des gros problèmes partout. Il y a des gros problèmes dans économiques, religieux, d'éducation nationale. Ouais. Il y a des gros problèmes d'immigration. Il y a des gros problèmes de. Non, mais alors on sait plus quoi en foutre. On est dans la merde de partout. Et ils viennent me faire chier, moi, parce que je fais des pervers depuis 5 ans. C'est un carton et vous êtes 45. Ça en fait le soir. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça n'existe plus en radio. On fait des pointes à 45% de part de marché. C'est quasiment une personne sur deux qui écoute cette émission. Et ils vont faire chier l'émission qui marche. Comme si ce pays de cons ne pouvait pas à un moment donné Non mais s'occuper des vrais problèmes. Non mais alors vraiment, il y a des mecs qui sont dans des bureaux, qui sont payés. Alors encore, ils seraient là en train de nous dire les mecs, vous êtes en train d'insulter les enfants, d'appeler des hôpitaux et de faire des trucs. On a au contraire, il y a plein de gens qui nous écoutent dans les hôpitaux qui sont pas bien, qu'on fait rire un peu le mardi soir, qu'on fait des pervers, qu'on fait rire le lundi soir, qu'on fait un autre jeu, le mercredi qu'on fait un autre jeu, et ils viennent me faire chier pour que j'ai plus le droit de faire un jeu. Mais vous rendez compte. Mais on gêne personne. Franchement, à quel moment à quel moment dans ta tête t'es assez bête pour aller faire chier les gens qui font rire les autres? C'est tu vois ce que je veux dire, la censure, hein. On fait pas, non mais c'est exactement c'est ça. Et alors moi ce qui me fait marrer quand même dans ce pays, mais alors franchement c'est en train de m'énerver les copains. Non mais franchement, alors nous on dit jamais notre pensée tout ça parce que bon franchement y a tellement de gros problèmes les frérots, ils ont pas de couilles d'aller s'en occuper. Et ils viennent nous faire chier nous avec nos petits doigts. On se met sur des chats de cul, on fait les cons. On se met pas de pression, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas de politique, on parle pas de sujets qui divisent. On essaye de juste se marrer tous ensemble. On a réussi à faire venir des mecs, vous êtes 80% je crois de 12-20 ans à venir écouter l'émission. Je veux dire, à un moment donné les gars, qu'est-ce qu'ils viennent nous péter les couilles? Ah c'est triste. Et encore, en plus il y a une loi qui interdit de parler de cul avant 22h30. On la respecte, on fait les pervers après 22h, après 23h. Ah, on attend exprès. On fait les pervers à 23h30. On n'est pas hors la loi. Putain, on n'est pas hors... Non mais attends. Donc il y a un truc, c'est là, pas le CSA qui les interdit, c'est qu'ils ont mis une pression à la radio et du coup la radio veut plus qu'on le fasse. Mais franchement, putain, on n'est pas en train d'insulter, tu vois ce que je veux dire. Enfin, à un moment donné. On parle normal. Je mets pas de mots parce que je fais attention parce que chacun de mes mots va être plus déformé, RIP, machin, RIP les cousines, ah ouais. Ah, franchement, dis pas ça. Non. RIP les cousines, ça fait bizarre. Il y en a qui dit RIP les cousines. On se fait passer pour des femmes et tout. Bravo, c'est jeu. Mais on vous assure, êtes-vous sûr qu'ils ont le droit? Non, non, mais en fait, si tu veux, c'est juste qu'ils mettent la pression de tous les côtés. Je comprends pas, il y a des moments, je comprends que le CSA intervienne quand il y a un sketch d'un humoriste. Ouais, quand ça dérape. Je citerai aucun nom. Beaucoup trop loin. Parce qu'en plus, je n'ai même pas d'exemple. Mais il y a sûrement des humoristes, tu vois, heureusement, c'est pour éviter qu'il y ait des. Parce que sinon, il y aurait des mecs qui diraient des saloperies sur scène et tout. Ouais, bon, tout voilà. C'est un peu l'arbitre, quoi. Ouais. Et il n'y a vraiment aucun moment, je veux dire, dans lequel on peut dire, tiens, on est en train d'embrigader le peuple. En faisant un pervers. Mais non, c'est vraiment un jeu, tu vois, rigolo, quoi. Et je trouve ça dommage. Voilà, on a plus le droit divertir. De faire. Donc demain, il y aura un nouveau jeu. Je sais même pas ce qu'on va faire. On a été pris de court. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure. Et voilà, voilà. Et je c'est fini pas, là, c'est voilà. Sûr. Et on espère reprendre un petit peu, mais il faut pas les énerver. La boîte femme, c'est fini. Il faut pas jamais. Les brusquer et tout ça. Moi, j'aimerais qu'ils aient des aussi grosses couilles. Et qu'ils aillent dans les cités où il y a des salafistes, qu'ils aillent démanteler les réseaux, qu'ils aillent s'occuper de l'éducation nationale, refaire les programmes, refaire des programmes comme voilà, s'occuper des immigrés qui peuvent rien à Calais, qui sont les pauvres dehors, machin, trouver des solutions, refaire du travail, recréer de l'emploi, je sais pas, il y a quand même d'autres trucs à me faire chier, moi. Non mais franchement, je suis juste stagiaire, j'aime du stand. On est là, on n'est pas méchants, je crois. On est d'accord, on est des gentils garçons. Ouais, voilà, bon. Et alors, du coup, mercredi. On nous a mis un invité, c'est un agent secret. C'est nous qui l'avons demandé. Exactement. Ouais. Et parce que là, on a invité un astronaute jeudi. En plus, putain, on est une émission, bordel de merde. On est ouvert. Et un jour, on invite Jules. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la foi. Ça va être toi, seul je défie. Dans une semaine, on a Soprano. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Voilà, on passe tout ça, on invite Jules, on invite Soprano, là, et en même temps on invite un astronaute, c'est intéressant, là, on a un agent secret qui vient mercredi, c'est ça, quand même c'est incroyable. Ouf, voilà, t'imagines le mec qu'on a quoi. Un vrai espion qui vient mercredi. Dang, un ancien, Un ancien, voilà, qui est sorti de l'espionnage français, et donc il va nous raconter un peu comment il sait et tout, je trouve ça passionnant, quoi. Ça va être un film. Non, mais attends. Salut, la radio est un divertissement depuis des années, ils sont débordés d'ailleurs, ils viennent vous faire chier. Salut, Jérémy de Sacco. Ah non, mais vraiment. C'est un peu du zèle, en fait. Franchement, c'est dégueulasse qui s'assure sur le dos, nous on aimait bien les cousines, surtout la cousine bis. Ah. Non, mais c'est parce que le patron du CSA c'est peut-être partie des pervers que vous avez. Imaginez. Non, mais voilà. Non, mais franchement, mais c'est vrai. Et putain, et là je me suis fait flasher tout à l'heure à 53, j'avais dit. Ah oui. J'ai reçu le. C'est pas là, la journée. Non, mais je me fais flasher à 53 en moto avec un putain de radar qu'ils ont mis qui sert à rien dans une descente et je prends 90 euros d'amende. Allez. Il y a des jours, hein, les gars. Rien de voir. Il y a des jours où t'as envie de râler, quoi. Non, mais franchement, c'est vrai. Franchement, les gars, qu'ils soient sur notre dos, et nous, putain, on fait le bien, les mecs. On on est bienveillant à mort, on essaye de donner, de faire des cadeaux, de se déplacer en local, d'aller rencontrer les gens, de vous voir, on fait une vraie émission à l'ancienne, je veux dire, on est là tous les soirs en direct, bordel de merde, il est 22h40, j'ai pas enregistré il y a 3h, 90% des émissions sont enregistrées dans toutes les radios, là, nous on est là en direct le soir, parce que je pensais que je pense à des émissions du matin, bref, et on est là, on est en direct, 22h40, il y a du foot ce soir, j'ai stagiaire. Le Havre a battu Sochaux 2-1. En Ligue 2. Voilà, putain, attends. C'est fini. Et donc, voilà, on est là exprès pour. Voilà. On est en train de tuer la liberté d'expression. Bravo à eux. Guillaume est vénère aujourd'hui. Non, mais parce que je trouve que c'est franchement injuste. Après, il faut en parler, c'est bien. Salut Guillaume, magnifique coup de gueule. Ça fait que quelques semaines que je vous écoute et je vous adore, les gars. C'est pas ça qui nous enlèvera, qui vous enlèvera des auditeurs. Non, mais c'est même pas la question d'en perdre. C'est même pas. C'est juste le truc que je ne comprends pas. C'est à quel moment on va nous dire ne pas faire ci, ne pas faire ça. Voilà. Si on reste dans les limites. Il n'y a pas de mal en plus. Oui, c'est vrai. Je trouve, voilà, je suis juste très déçu parce que c'est un métier et c'est la radio. Bon, c'est un truc de con. Hein. Je sais que je suis un truc de con. Hein. Je sais que c'est pas très intelligent, mais on essaie de la faire avec amour et une vraie passion du travail, etc. Et je trouve qu'il faut faire attention à pas que ça devienne un pays gouverné ou géré que par des cons et qu'on n'ait plus le droit de rien faire. J'ai vraiment, c'est un vrai truc qui me fait peur. Voilà. Ils ont autre chose à faire, c'est catastrophique, Alex de Bretagne. En plus, moi, j'aime tellement mon pays, je suis tellement fan de la France, putain. Je suis tellement patriote et tout. J'essaye tellement que tout le monde s'entende bien et tout ça. Et que vraiment venir nous faire chier, ça m'a fait de la peine. Rien que le fait qu'ils demandent des extraits de mon émission, ça m'a fait. Peut-être qu'ils aiment. J'ai pris un coup dans la nuque. Ouais. Je me suis dit, putain, j'ai l'impression d'être fliqué. Mais encore fliqué parce qu'il y a un mec qui a une merde. Voilà, on l'a appelé, on l'a insulté. Mais bon, ça, vous nous entendrez jamais faire un jeu. On appelle une mamie. Enfin, bref. C'est pas notre style. Bref, voilà. Enfin, on va déranger des gens ou quoi. C'est pas vrai, quoi. Voilà. On fait un truc quand c'est quelqu'un qui veut piéger sa maman. C'est un canular à la François Lambrouille qu'on fait en direct. Mais je veux dire. Et juste après, la maman, elle est contente finalement que son fils, il ait gagné une PS4 à 400 boules. Voilà. On se renseigne si la personne n'est pas dangereuse. Et on se renseigne avant. Voilà. On appelle le papa. Est-ce que votre femme n'est pas cardiaque? Elle n'a pas d'armes. Elle n'est pas. Elle n'a pas de drogue, elle n'est pas sous médicaments, voilà, on fait vraiment un vrai travail de surveillance, etc. Voilà. Voilà, moi je me suis fait flasher à 82 au lieu de 50 sur mon scoot, 90€ d'amende aussi. Ah ouais, putain, c'est même prix pour 32 km/h. Ah bah oui, j'avoue, c'est énorme, c'est chelou. Il doit y avoir un pervers dans le groupe qui s'est fait avoir mort de rire. Salut les gars. Là. Le CSA là pour s'occuper de ton cul. Salut Guy, le CSA n'est pas là pour ça. Salut, t'as raison, il ferait mieux s'occuper de la crise. Non, mais en fait, je parle pas que le CSA doit faire ça, mais je dis, il y a tellement d'autres choses à penser, putain. Il y a plus grave. En fait, je pense que l'énergie, on la met dans des mauvaises choses aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait qu'on la mette dans les bonnes. Et que les moyens humains et tout ça, il faudrait qu'on les mette dans les endroits où on a besoin, quoi. Voilà, merci en tout cas pour les messages. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'on voit les pires déchets. Alors ça, je peux pas dire, frérot, parce que alors là. Bonsoir tout le monde. Peut-être que l'un des pervers fait partie de la. Salut, Burgos du 53. J'étais Guillaume, président. Non, mais alors là, mon gars, il y aurait des trucs qui changeraient. Je peux te dire que là. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire rire et de rigoler ensemble. Hein, voilà. Mais bon, voilà. C'est juste pour vous prévenir que demain. Ça fait peut-être 15 minutes que je parle, donc je vais passer à autre chose. Mais il n'y aura pas de pervers. Et donc, on cherche un nouveau jeu. Le mardi sans les pervers. Si vous avez des idées de jeu, voilà. C'est la première fois. Le mardi sans les pervers. En 5 ans que je ferai un mardi à la radio sans les pervers. C'est vrai. Hein. Ça fait mal. On ne peut pas les rappeler de toute façon. Voilà. Donc, votre garçon, c'est aussi. Et bientôt, on va décaler. Vous pariez. Alors, avant, c'était 21h. On n'a pas arrêté de parler de cul. 21h30 après. 22h. Là, c'est 22h30. Ils vont nous mettre à 23. Non. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a du porno dans tous les portables. Maintenant, t'as 11 ans. Bien sûr, on le sait très bien. Moi j'ai des cousins et tout, ils ont 11 balais, il y aura plus de porno que moi. Et tu peux y aller. Et non, mais c'est la vérité, excusez-moi. Et ils ont sur leur portable, ils tapent YouPorn direct, c'est terminé. Ouais. Et donc après, ils serrent la vis sur des doses de ouf, et par contre, sur les trucs aberrants, ils laissent faire quoi. J'aime ça. Non, même sur Twitter et tout, tu tapes juste 2-3 trucs, tu tapes porn vidéo pour essayer, et il y a aucune censure, c'est dingue. Ah ouais. Sur Twitter, c'est abusé. Tu vois des vidéos, mais comme sans aucun contrôle. Quoi. Des comptes ouverts. Quoi. Ouais. Comptes ouverts. Des comptes ouverts. Ouais, ouverts, il n'y a pas besoin d'avoir de dire que tu as 18 ans ou pas, en fait. Ah oui, oui. Tu cliques sur la vidéo et c'est parti. Ah oui, maintenant, il n'y a même plus besoin. C'est terminé, ça. Filtre, on s'en fout. Ouais, mais bon, écoutez, c'est pas. J'ai envie de vous dire, on va faire profil bas. On va aller lui acheter un petit ballotin de chocolat. Voilà, on va le soudoyer à l'ancienne. Voilà, on va lui offrir. On va envoyer Jeux Stagiaires. Oui. Après, on va envoyer Jeux Stagiaires cul nu. Ouais. Cul nu, ils vont me garder. Pensez qu'on mérite, mettez-lui une fessée puis on part. On peut pas. Je suis pas le cobaye. On peut les appeler en se faisant passer pour la mafia pour le. Non. Ils écoutent ce soir. Tu veux que ça soit ta dernière émission? Non. Ça va perdre un dossier là. Non, attends. J'ai le sondage. J'ai le sondage. Non. Mais par contre, si un jour il y a une personne du CSA qui va venir face à moi. Ah oui. Mais alors, il y en a un qui est connu, Rachid Arab, il est au CSA. C'est vrai. Ouais, c'est le président du CSA, je crois. Il s'appelle Rachid Arab. L'ancien mec de France 2. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, il présentait les JT à 20h sur France 2. Ah ouais, ça me dit. Il était président ou il est encore président du CSA. Ah ouais, putain. Alors Rachid. Il est connu en plus, je crois. Rachid, je vous invite à venir, Rachid, qui contrôlait les libertés d'expression en France. Il y en a un autre CSA. Vous êtes les bienvenus. Si un jour vous voulez qu'on discute, je vous invite avec grand plaisir pour vous expliquer nos jeux, pour vous expliquer. Ah, c'est plus lui, merde. Voilà, Rachid, vous êtes le bienvenu quand même, mais c'est pas vous. C'est Olivier. Bon, bah en tout cas, Olivier, patron du CSA ou un autre, hein, voilà. Avec plaisir. J'ai une idée de jeu, on met JM du standard sur une chaise et on fait un concours de bifle sur son front. Ah non, je veux pas, moi, ça. Bonsoir à toi. D'autres radios appellent des mamies et leur demandent s'ils veulent sucer une mythe. Salut à toi. Ils font chier, c'est con, on va finir par écouter la pub de minuit à 23h59. Salut Vince. Moi, j'ai une idée de jeu, tu prends un de tes auditeurs au hasard et tu mets en relation avec une institution et tu appelles le jeu. Non, non, je peux pas lire ça. proposez-moi des. Mais par contre, on pourra faire les cousines toujours, mais ça va être pervers. Mais c'est nul. Bah oui, mais du coup, on pourra dire des merdes quand même. Ah. Les cousines présidentes, cousines. Ah oui. Ah oui. Tu veux qu'on se présente à l'élection présidentielle? Ah ouais, cool, comme ça on habitera à l'Elysée. Ah bah attends. Alors, moi, présidente, je rajouterai une heure d'émission en plus pour Guillaume Radio 2.0. Cousine Bis, qu'est-ce que tu proposes en plus? Alors moi, présidente, je supprimerai le CSA. Ah oui, non. Et heureusement qu'il est là, le CSA. Ouais, oui. Non, mais c'est comme la police, c'est-à-dire que quand je me fais flasher à 52, j'ai envie de... Voilà. Non, mais j'ai envie de m'embrouiller avec le mec, on va pas se mentir, les gars. Tu te fais flasher à 52 au lieu de 50, t'es énervé. Et enfin, moi je me suis flasher à 58, je crois, bref. Et dans une descente et tout ça. Mais après, je suis complètement pro-police et il faut arrêter de dire qu'il faut pas de police. Si ta mère elle se fait embrouiller dans la rue, t'es bien contente quand elle est là. Si toi-même tu te fais embrouiller ou t'as des mecs chelous en bas de chez toi qui veulent pas te laisser rentrer, t'es bien content qu'ils arrivent. Grave. Donc je suis pas du tout. C'est pareil, voilà, là c'est bon. Fais des appels aux profs d'anglais pour des cours comme avant. Bonsoir, je veux entendre l'allemand. Allez, je vous kiffe, salut Honoré. Mais là, on va se calmer. On reviendra. Mais déjà qu'on a arrêté le jeu du tueur et tout, on a arrêté beaucoup de jeux. Après, t'as vu Kim Kardashian s'est fait séquestrer à Paris par 5 faux policiers, lui ont volé 9 millions d'euros. Mais c'est une grosse blague, ça. Ah, j'ai vu. Sans garde du corps, sans rien. C'est hallucinant. Toute seule. Ouais, c'est bizarre, hein, quand même. Ouais. Il était en soirée, le garde mais du corps. Mais le mec, il était renseigné, hein, quand même. Ouais, bah, bien sûr. C'est ça qui est bizarre. C'est un endroit plus secret en plus, toi. Ça s'appelle No Address. Ouais. Et c'est un endroit, en fait, pour louer une journée pour dormir. Putain, on a l'impression d'être un Carbone 14 à l'ancienne. Salut, recommencez Alphonse à la place des pervers. Ah bah c'est encore pire. Avant je faisais un personnage trop bizarre qui a ses parents frères et sœurs et qui appelle les gars s'appellent J'aimerais qu'on remette la Légion d'honneur en 5 faux policiers. Salut, dédicace au Chou du groupe Warren et Chou, Pascal Giraud. Arrêtez de faire à ta victime Mordois. Salut à toi. Bonsoir à toi. Salut Jackie sur Énergie. Salut Jackie. Salut mec. Bonsoir à toi. Tu peux nous offrir FIFA 17 à mon futur mari en cadeau de mariage qu'on joue ensemble. Salut mon Jade du 86. Bon bah c'est gentil les gars. Même plus le droit de se divertir maintenant de nos gens. Si si, bon, on va se divertir. Hein. On va trouver, t'inquiète pas. Nous on nous pousse par la fenêtre, on rentre par l'autre fenêtre. On a pas peur. Non mais c'est vrai en plus. C'est pas grave. Fais la radio communale, c'est plus soft. Ouais. Kevin Le Mono, ce serait cool. Ah ouais, c'est les anciens jeux, ça vous êtes géniaux. Non mais on va essayer d'en inventer un autre. Bah oui, bon, adapté. Voilà, mais bon. Avec les cousines. C'est vrai que. Ah bah oui, on peut essayer exactement. Ah bah parler oui. Parce que les cousines se faire passer pour deux cousines. Je me faisais passer pour mandarine. J'étais une jolie femme et j'appelais des petites annonces de cul. Voilà. Et c'est vrai que bah, quand j'avais envie de sucer un mec, je lui disais j'ai envie de le sucer. Et bah du coup, il faudra qu'on trouve autre chose. Bah voilà. Oui. Pas de sexe. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver. Bah non, mais on a juste plus le droit de faire les pervers. Voilà, c'est tout, ça nous est. Les pervers, c'est un fini. Un petit coup de mou. On se fait Nicky Jam, on va passer le premier morceau, il est 49. On se fait Astal à Manesser, on se fera Claudio Capéo, Feder à la Yannos, si on se calera, il déchire. Il défonce les mecs, on se les calera après. Et Gim, c'est Jules, Boucan, c'est tous les plus gros, et de toute façon, on les cale dans tous les styles. C'est les hits que vous découvrez, c'est à partir de 22h sur Énergie. Guillaume Radio 2.0, c'est du vrai direct, 22h49 à l'ancienne, et des FIFA 17, je vous les offre après sur Énergie. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita, mirándome.

Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Captain America Civil War en Blu-ray avec Énergie. Les gens ont peur, Captain. Écoutez Koé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles PS4. Je suis désolé, Tony. Quand je vois qu'une situation dégénère, il faut que j'intervienne. Captain America Civil War, le 5 octobre en Blu-ray avec Énergie. It's music only. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Notez bien, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Energy. Allez, de retour sur Energy, il est l'heure de choisir un défi Mafia 3. Vous avez été hyper nombreux à nous proposer des défis là. Allez-y, un hashtag Guillaume défi la mafia. Bon, défi la mafia, c'est un peu présenté parce que. Bon, ah, c'est pas on a rien défi du tout, nous, ouais, mafia, on s'écrase comme des merdes. Alors, si on est tout le monde au cul. Et alors, c'est parti. Vous pouvez me proposer un défi. Et alors, il y en a un qui m'a plu là, que j'ai vu à l'instant. Bonsoir, Mister Tweets. Appelle quelqu'un qui a le nom de famille d'un mafieux célèbre et fait lui croire que sa famille doit des dettes. Oh putain. Eh ben on pourrait appeler des monsieur parrain. Ah bah il y en a un qu'on s'est dit. Parce que un mafieux célèbre, c'est pas facile à trouver quoi. Ouais. Bah les noms, Al Capone. Tu rigoles, j'aime le standard. Elle me fait rire, celle-là. Ouais. C'est de quoi, de Jul? De Jul, ouais. Tu commences à rire sur du Jul. Ah oui, moi, il me rigole. Ah, même j'aime du standard, c'est le plus grand fan de Jul. Tu commences à rigoler, c'est pas bon signe. Non, mais c'est parce qu'il me fait rire déjà. Ah, il te fait rire. Ah ouais. Tu vas avoir un spectacle de Jul. Ah ouais, s'il en fait. Alors, on y va. On va. Alors, est-ce que tu peux me trouver, s'il te plaît, Flo des cadeaux? Ouais. Des messieurs à la mafia, s'il te plaît. Ouais, je vais chercher. On va tenter d'appeler. Ah, alors, c'est pas gagné que ça réponde, mais j'ai 2-3 musiques de mafieux. La famille parrain. On va les envoyer ensemble, des monsieur Alain Parrain, exactement. Ouais. Alors, est-ce que ça a marché ou pas, on va voir ça. Il est 22h57 sur Énergie. Si vous voulez aussi, pareil, demain, on leur fera d'autres défis. Là, on pouvait me proposer par message. Là, c'est parti, on appelle le premier. T'as pris plusieurs numéros, là, dans la musique. Ouais, j'en ai plein, Guillaume. Et ben, c'est parti, Flo des cadeaux, JM du standard, ils ont deux téléphones. Et je me fais passer. Attends, je mets la musique pour voir. Il est 22h57. Monsieur Parrain, envoyez-moi des vannes par SMS. Allô? Allô, monsieur Parrain? Oui. Oui, bonsoir, monsieur Parrain, excusez-moi, vous avez baisé ma femme. You fuck my wife. Je suis avec mon fils, Donatello. Donatello? Oui. Donatello? Oui. Tu vas lui casser la bouche. Il va se faire transformer en brochette, hein. Il va la manger. Oui, vous m'entendez, monsieur Parrain? Je t'ai pas dit qui je suis, c'est l'heure du silence. Ici, c'est l'homme merde. J'ai mon autre fils, Alphonse. Alphonse? Oui. Alphonse? Je suis là, papa. Prépare le corps, prépare l'arme. D'accord. Il faudrait qu'on se voit. Monsieur Parrain, vous savez multiplier par un. Parrain. Allô, monsieur Parrain? Un pour tous, tous parrains. Il va falloir prier pour la protection, parrain. Vous m'entendez? C'est filleul, vous êtes parrain? Monsieur Parrain, arrête de pas parler. Ici, c'est l'omerta. Tu parles pas, je comprends. Tu voulais pas parler, je comprends. Alors écoute-moi. C'est pas une balance. Je fais partie de la mafia Kefri. Sur la console, je joue à Mafia 3. Monsieur Parrain. Monsieur Parrain, vous jouez à Mafia 3. Vous êtes plus chantage ou coup de pression? C'est combien la raison pour parler? Dis-moi combien tu veux pour parler, on s'arrange. Elle est où la marraine, parrain? Non, un parrain ne parlera pas. Qui porte la culotte? Pas de voiture? C'est un Renault Trafic. Monsieur Parrain! Alfonso! Ouais! Vincenzo! Si! Donatello! Si! Attrapez la garce qui est là-bas! Là. Attrape la poufiasse en face de toi! On va la prendre! Tiens-lui les cheveux! Viens ici! Aïe! Tiens-lui les cheveux! Viens là! Aïe! On a... Tu vas parler au parrain! S'animer la poufiasse! Arme l'arme! Vous êtes du signe de la balance, monsieur Parrain, moi je suis lion! Monsieur Parrain, en plus il est encore là, monsieur Parrain de Barcelou! Monsieur Parrain, vous aimez les sports de raquettes? Monsieur Parrain, Alfonso, attrape la pouf. Viens ici, poufias. Attrape-lui les cheveux pour de vrai, cognard. Viens ici, je vais te prendre. Frappe là. Viens parler. Mais là, cruz le trou, Vincenzo. Ouais. Après basta la femme. Attrape la garce et mets-la à genoux. Viens t'excuser au parrain. Mais fais le bord de vrai, bordel de merde. Gifle là. À genoux devant les hommes. Fais la terre. Je compte les billets. Il y en a que 85, il devait y en avoir 88. Elle nous a enculés, la pourfiance. Ça se fait pas. Prépare-toi, on va la tuer. On va la tuer. 3, 2, 1. Mets-la dans la valise. Et on remballe. De toute façon, il a raccroché sa mère. Je sens que je n'ai plus. Je marche sur. Il était pas très bavard. Non. Putain, quel fou rire quoi. Bon. Et vous voulez proposer d'autres jeux pour demain, les mecs là. J'ai la marraine qui attend dans le coffre. Vous pouvez m'en parler trop fort, tu es là. J'ai explosé de rire. Merci les gars, un fois un par un. On va te parrainer si tu continues. Merci beaucoup là. Le but est de rester le plus longtemps avec le standardiste d'hôtel et proposer de payer à jambes en nature avec la cousine. Salut Mandarine. Salut. Arrête de faire crier Julia, ça me fait bander. Salut Mika. Alarme, alarme, c'est ça. Attention. Alarme, c'est ça. En 1787, un peu de culture obligatoire. Mozart avait déjà élaboré un jeu de dés permettant aux néophytes de composer des menuets dignes du maestro. On va remettre chaque à partir de demain les alarmes, c'est ça. Ah oui. À jouer, Mozart invente alors le premier algorithme musical. J'ai compris. Voilà, à chaque fois qu'il y aura un mot, une situation, voir. Un peu machin. Pardon, faut les ah, ouais. Bien se faire voir. Voilà, on va faire une petite courbette et on voilà. Passera 20 secondes de culture. C'est obligatoire. Alors voilà, obligatoire, mais oh, genre merde. Sur des trucs vraiment chiants. Quoi, ah genre, oui, genre un débat. Des trucs vraiment très pointus. Attends, on appelle le mec là qu'on a pris le compte Twitter là. On a envoyé un message en MP là pour récupérer le numéro en message privé. Ouais. Je l'appelle, je lui file la PS4 du coup le jeu Mafia 3. Et Gims et Jules. Ensuite, on fera le jeu des faits divers aussi. Il y aura 10 histoires de meurtre. Il faudra savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. On le fait juste après. C'est sur le thème des cannibales. On le fait dans 2 secondes. Allô. Ça répond sur Twitter ou ça répond pas là? Excuse-moi. Ouais, ça répond. Ça met des tweets, ça met des tweets, mais ça répond pas direct. Ah. Ça va ou quoi? Ça va, frérot? C'est Guillaume d'Energie. Ah, ça va, ça va. Ça va, Tweets? Mister, Mister Tweets, ça va, c'est son compte. Je te suce, je m'appelle Aurore. Bah, enchanté, Aurore. Ah, bah, mais c'est le c'est plus original, bon, c'est ça. Que j'ai jamais reçu. C'est direct, c'est caché. C'est magique ce message. Écoute, avec plaisir, Aurore. Et en tout cas, et frérot, c'est quoi ton prénom là, ton vrai prénom? Parce que c'est pas lui. Comment? Je m'appelle Nils. Nils, énorme. T'es d'où, Nils? Salut. Chanté, frérot. T'es d'où? Salut. Ah, je suis trop content. Ah, vas-y, moi aussi. Oh là là. Gentil. T'es de quelle ville? Oh là là. Il va pas me dire d'où t'es. Non, c'est un agent secret. C'est toi, l'agent secret. Non, je dis de quelle ville tu viens? Ah, je viens de Trélambris. J'habite dans le 77, dans un petit village. Vas-y, hein, bah, dédicace, hein. Je te dis, voilà, je te parle anglais, tu t'appelles Nice, tu me réponds pas quand je te parle en français. Vas-y, voilà. Hey, félicitations, je t'envoie la PS4 demain matin, d'accord? PS4 tranquille, pécho. La PS4 plus, on te met avec le jeu Mafia 3 hein, qui sort. Bravo, hein, mec. Ouais. Et il sort quand, Guillaume du Standard? Le 7 octobre, Guillaume. Voilà, le 7 octobre. Dans 4 jours. En plus, ouais. Il défonce. Franchement, Mafia 3, c'est un jeu que je joue, moi j'aime beaucoup. Enfin, ouais. Pas Mafia 3 du coup, si tu viens de sortir, mais le 2 et tout ça, il défonçait. C'est un peu. C'est un peu bon comme. Jeu. Non, c'est un jeu. C'est à l'ancienne. C'est un jeu. Ouais, mais moi j'aime bien l'ambiance mafieuse. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais. On met les chapeaux. Là, exactement, à l'ancienne. J'aime ça. Démanteler le système en place et mettre le tien, quoi. Tu vois. Ah. C'est pas mal. Quoi. Ouais. Prendre le il a pris la phrase sur la boîte. Après tout le mec il a bossé tout là. Ah ouais. Il a juste ouvert le. Il est bien passé quand même. Non mais j'y crois pas quoi. Il a juste vu la micromanière. Ah putain de merde. Bon en tout cas c'est toi qui vas jouer Nils. Hein. Ouais. Ok. Joué. T'as quel âge t'es en quelle classe toi Nils? J'ai 16 ans, je suis en première. Vas-y, en première quoi t'es? Première STI2D. STI2D, ouais. C'est la première fois que tu passes à la radio ou t'étais déjà passé avec nous? Ouais, non, c'est la première fois. Ah ouais, putain, c'est le début là. Et t'as vu que ça marche, hein, même les jeux sur Twitter, les jeux de merde, là, ça fonctionne. Ouais, on a toujours l'impression que les jeux à la con, là, ça fonctionne pas. Non, non, moi je vous appelle vraiment et puis je vous file 500 boules. Attends, c'est quand même énorme. On le refait demain, tous les jours de la semaine. Exact, ouais, c'est ça, Guillaume. On propose un petit défi à la con, là, avec le hashtag Guillaume défie la mafia, puis on le fait. Occasion de la sortie du jeu Mafia 3 le 7 octobre, on le fait avec plaisir, les gars. En tout cas, bravo à toi, Poto, tu veux faire une dédicace avant de partir quand même? Ouais, bah, dédicace à mon lycée, hein. Ouais. Clément Dair, dédicace à mes potes, Tom Valentin, et voilà. Ok, vas-y, hein. Et bah, et dédicace, mec. Je te repasse, Julia, au standard. Ouais. Et va prendre tes coordonnées. D'accord. Je te repasse la peau. Non, non, hey, je m'excuse, hein, Julia. C'était pas, ah ouais. pas du tout envers toi. C'était pour faire. Parce que la pouffe, en fait, c'était pas. En fait, non, non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai fait. On s'est fait passer pour des mafieux juste avant. Donc si je disais, passe-moi ma cousine, c'était pas logique. Ouais, bah, ouais. Voilà. Vu que c'était une fille qu'on a. Alors, il fallait que je lui parle mal comme si on avait tué quelqu'un. Faut peau. Bien expliquer. Voilà, je réexplique bien, là. Ah ouais, c'est eu des mecs du CSA qu'on va faire. On va expliquer trois fois les jeux maintenant. Hein. On va expliquer pourquoi c'est drôle après. Ouais. Voilà, on va expliquer les tweets, hein, ils vont croire que c'est une insulte. Hein. Balance ton tweet, ils vont croire que c'est une insulte. On va se méfier maintenant, attention à ce qu'on dit. On va expliquer. Bon, en tout cas, félicitations, Nice. Hein. Écoute, non, t'as une grossesse, toi, t'es célibataire, t'es comment là d'ailleurs? Non, je suis célibataire. T'es célibataire, ah, d'accord, ok. C'est bien aussi. Et t'as déjà. Genre, t'es déjà resté longtemps avec une meuf ou pas encore là du coup? Non. Ouais, je fais attention aux mots hein, maintenant que j'en vois. Hein. Même fille, meuf. Ouais. T'as déjà mis le cube dans la boîte ou jamais? T'as vraiment mis l'oiseau dans la cage ou pas? Je vais être obligé de parler avec des termes. Ah ouais. On va se mettre un gros balai dans le derche, mon gars. On va commencer à parler comme sur TF1 20h, tu vois. Ah merde. On va pouvoir vraiment faire la vraie vie, quoi. Dès que ça ressemble un peu trop à la vraie vie, ça dérange, quoi. Bon, en tout cas, je te repasse le standard. T'as pas de gonzesse, putain, t'as pas de gonzesse. Non. T'es comment physiquement? Décris-toi que je ferme les yeux. Ah, je sais pas, je suis. En hologramme, vas-y, je t'imagine en hologramme. Et parle-moi en star, Genre, t'as les cheveux de Vincent Mahé, de Christophe Mahé. Ouais. Et t'as les yeux de Vincent Niclot, les lunettes de Patrick Poivre d'Arvor, je sais rien. Le menton de Bogda. Bogda, ouais. Je sais pas, c'est dur. Ah non, pas ça. Non, je sais pas, donne-moi des extraits de ton corps, par exemple. Bah, je sais pas. Ta coupe de cheveux, tu ressembles à qui le plus? Kenji? Ouais, j'ai les cheveux en arrière un peu. Ouais, en arrière comme. Genre un peu comme dans Les Anges et tout, avec la petite queue de d'oignon là? Avec du gel? Ouais, non, force pas. Non, bah je sais pas, c'est possible. Hein. Élastique. Il y a plein qui font ça. Non. Juste les cheveux en arrière. Ouais, t'as les poils un peu de barbe ou pas du tout? Ouais, un peu. Ouais, c'est vrai. Tu te laisses un peu pousser, genre. Ouais, ça dépend des fois. Ouais, c'est ça, ça dépend. Ouais. Moi, c'est vrai, je change pas de style de barbe. Non, mais après, en fait, quand tu l'as un peu là, aujourd'hui. Ah, oui. Non, j'en ai pas. J'aime le standard de la barbe. Ouais. J'aime ça, il a une vraie barbe comme dans les films. Ah, j'allais dire. J'ai vraiment. Et comme Kenji, t'as l'impression que c'est une fausse barbe. Elle est brun. T'as l'impression que sa barbe, c'est une perruque. Elle est dense en plus. Oui, t'as l'impression que. Elle remonte, il y a un filtre sur MSQRD ou Snapchat pour ajouter une barbe. Et ben, c'est la même barbe que Kenji, quoi. Ouais, je te jure. Tu sais, c'est vraiment épais, quoi. Ça n'existe pas. La barbe dans la vraie vie comme ça là. Bon, et en tout cas mon Nilsou, tu fais du sport en vrai? Non, juste à l'école. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, t'es pas dans un club ou quoi? Rien du tout, quoi. Non, je suis pas dans un club. T'aimes pas courir, genre te dépenser tout ça? Non. Si, j'aime bien, ouais, perdre des calories. T'es un peu une T'es un peu une sous-merde, t'es un peu une feignasse. Non. Mais non, je t'embête. Attention. Ouais, je rigole. Et t'as le droit d'être une feignasse, au contraire. Bah oui. Hein. Vite heureux comme ça. Hein. Ah bah attends. Il faut savoir avoir une partie de soi qui est feignasse quand même. Non mais c'est vrai, hein, je pense. Faut l'assumer. Il faut avoir. Oui, il faut assumer sa petite ah bah là, ouais. Feignasse. On est tous pour avancer. Ah oui, oui. On a tous envie de se poser, quoi, tu vois. Et de rien foutre. Ouais. T'écoutes de la musique un peu quand tu veux. Ça t'arrive, Nils, quand tu prends une douche, tu t'écoutes un peu une bonne musique de merde? Ça t'est déjà arrivé? Non. Non, jamais. Tu te mets, je sais pas, tu sais, un truc un peu. Je sais pas. Que tu dis pas trop, quoi. Non. Barbie Girl. Non, mais genre des. Attends, regarde. Genre. Tu sais, ce genre de musique, tu sais, sans chanson, quoi. Tu vois, juste des instrus comme ça. Ça t'arrive jamais? Ça m'est jamais arrivé, non. Moi, j'ai déjà eu une période. Une ambiance. Ah ouais, j'ai acheté un CD à Nature et Découverte et j'ai écouté la pluie qui tombe. Ah ouais. Pour m'endormir, moi, je le faisais. Et là, j'ai dit, Guillaume, c'est pas bon. Ouais. Je file un mauvais coton. Des petits oiseaux. Ah, mais c'est marrant. En cuicui. J'aime du standard. Quand t'as des auréoles sous les bras, est-ce que tu peux éviter de mettre les mains en arrière? Il arrête qu'il est à l'aise. C'est pour la vidéo, c'est pas très chic. Et pour nous aussi. J'ai une t-shirt clair en plus, je te dis. Pardon, Guillaume. Voilà, ce mec, il a un t-shirt bleu clair, il a une énorme tache, et puis le mec, il me regarde avec le bras en l'air. J'aime du standard. Ouais. Flo des cadeaux. En plus, tout à l'heure, il allait faire sentir ses aisselles à Julia pour lui dire qu'il sentait bon. Ah, c'est vrai. Mais ça sentait bon. Elle devait être contente. Ça a dû lui faire plaisir. Ah, oui, cadeau, quoi. Et d'être contente d'avoir rejoint l'équipe. Allez, tout l'après, mon bisou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Je veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien. Bio en pyjama, coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros poule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Y'a ce gros poule dans la cuisine. J'ai un stagiaire, le gangbang du Sénat. Non, Julia, ça donne envie de la soirée. Okay. Salut l'équipe, toujours au top de vous écouter pendant le taf. Tous n'ont pas cette chance. Salut Obino, bon courage. Salut. Appelle quelqu'un qui a un nom de footballeur. Assis-moi une interview en direct à la télé. Oh, Jean-Marc Escobar. Oh, ça c'est censuré. Kibit Nichon Couille, salut à toi, le routier barbu. Fuck. Bon anniversaire à Morgane. Voilà, bon anniversaire à Morgane. Féminin de la part de Vincent. Je viendrai te voir la semaine prochaine et bon, on l'embrasse. Ouais. C'est quoi la dernière chanson de Jul que t'as mis? C'est mon bijou. Et on se calme, Maître Gims et Jul maintenant Boucan. Juste après, on a des FIFA 17, Flo, des cadeaux. On en a filé sur PS4. Ouais. Bon, alors attends, excuse-moi Nils, deux secondes. Je t'envoie ta PS4 avec Mafia 3. Dans deux secondes, on fait le jeu avec Flo des cadeaux. Ouais. Des 10 faits divers, il va falloir savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ça, vous pourrez venir jouer avec nous. On filera des cadeaux. Mais là, je vous file des FIFA 17. S'il y en a qui veulent des FIFA, vous m'envoyez Guillaume. Mais je le fais vraiment, c'est-à-dire que vous allez voir, hein, les gars. Croyez pas que c'est de la couillasse, hein, il est 23h11. Vous m'envoyez au début du texto Guillaume un espace, vous marquez FIFA avec votre numéro de téléphone dedans. Ça ah, veut bien FIFA, hein. Et bah alors, tu sais quoi, je vais te filer FIFA, je vais reprendre la PS4 avec Mafia 3. Ah, comme tu veux. Non, mais en tout cas, voilà, Guillaume un espace et FIFA avec votre numéro de téléphone dedans. Guillaume un espace FIFA et FIFA avec votre numéro au 6 11 12. Allez-y, hein, vraiment maintenant. On fait un tirage au sort tout de suite là. Voilà, Guillaume un espace FIFA et FIFA avec votre numéro au 6 11 12. Dégoûté pour les jeux des pervers, la chérie, merci poto, j'ai reçu la PS4. Ah bah très bien. En 3 semaines Arnaud de Rennes, dédicace au transport de frigo 7. Salut Julien. Salut. Salut mec. Guillaume un espace FIFA avec votre numéro au 6 11 12. Flo des cadeaux à Ronze, ouais, la France de FIFA. donc voilà, on les distribue, on va vous appeler à l'antenne, on va vous appeler hors antenne aussi. Allez-y, c'est maintenant qu'il faut envoyer, les gars. Maître Gim, c'est Jul, on se le cale tout de suite avec Boucan. Guillaume, un espace FIFA, F-I-F-A, avec votre numéro, maintenant au 612. Que faire de tout ce qu'ils disent, le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes, Aziz, la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Mais ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du il est yo, yo, yo, yo. Plongé dans le tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Alors ma jolie, on a le cœur démoli. On est dans sa folie, folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a cœur démoli. On est dans sa folie, folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai rôdé dans Paris avec Fédic, Dadju et Darcy. Hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ils arrivent à le faire pendant 2 heures, sans s'arrêter. Hein, c'est une bouffeuse de merde. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour. Mon bisou, je fous de toi, je veux mon bisou. Je te veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Allez, on file des FIFA maintenant. On se fait vraiment en 10 secondes. Apprends à parler des ultimatums qu'on a mis aussi. Ouais. On a déjà mis des ultimatums, etc. On va en parler dans 2 minutes. Et puis FIFA maintenant. Guillaume, un espace. Si vous voulez des FIFA, les mecs, allez-y. Hein. Guillaume, un espace. Vous envoyez FIFA avec votre numéro. Au 6, 11, 12, au 61 112. On fait ça rapidement. On en a plusieurs, on va en appeler un maintenant. On va en appeler un autre juste après, on va en rappeler un autre en antenne aussi. Il est énorme. Allez-y, il y en a plein, il des chiens. Il est énorme. Tu l'as acheté, j'ai ouais, mis en je l'ai pris, ouais, obligé, ouais. Il est beaucoup mieux que le 16. Franchement, ouais. Non mais faut dire quand bah, il évolue bien. Après. Et c'est pas du tout une pub, on les Allô achète les FIFA, ouais, ouais. On les file. Allô. Allô. Ouais, c'est le distributeur de FIFA là. C'est C'est Zinedine Zidane, hein, pareil. Je suis avec un autre footballeur. Cristiano Ronaldo. Merci, je suis stagiaire. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'ai 50 ans, je travaille de nuit, marié, papa de 2 enfants, marre de plus pouvoir rire. Merci, c'est ça. Salut les gars. Salut. Allez, on vous embrasse les potes. Alors, juste ton prénom, tu m'as dit c'était quoi? C'est Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut, Mathieu. Mathieu de où? De quoi? Mathieu de quel coin de France? Vous comprenez pas mes questions? De Bordeaux. C'est la ville. Toujours cette question-là, ouais, en c'est plus. La ville. Ouais, ouais. De Bordeaux, t'es où à Bordeaux Mathieu? À côté de Blaye. C'est une petite bled qui s'appelle Pugnac. D'accord, bah ouais, c'est connu à Blaye même aussi. En Gironde. Et Pugnac. Eh bah, salut à tout le monde à Mathieu. Ça. Tu fais quoi dans la vie? T'es routier? Non, je suis pas du tout routier. Non. Tu fais quoi? Je travaille dans le nucléaire. D'accord, ok. Où ça? À la centrale de Bourg-Saint-Louis. D'accord, ok, très bien. À côté de Blaye. Ah, non, et tu fais quoi exactement toi là-bas? Je suis un technicien de maintenance. D'accord. Et tu touches l'uranium, tout ça? Comment? Tu touches l'uranium? Non, je suis pas dedans. Ah, oui, d'accord. Heureusement. Ah, ouais. Vous avez des tests et tout pour voir si vous êtes pas un peu irradié? Ouais. Avec des compteurs GGR. C'est des compteurs GGR, ça s'appelle, pour mesurer. On en a acheté un, j'en ai acheté un, moi, de compteurs GGR. Ah oui, dans la radioactivité. Ah ouais. Parce que moi, j'ai peur de tout. Donc si jamais dans là, comment quand je marche, je vérifie qu'il n'y ait pas de nucléaire. Non, mais en plus, c'est vrai, on avait déjà mesuré dans les couloirs à la radio. S'il y avait de la radioactivité, je vois, c'est vrai. Et il y en avait? Ah là là là. Guillaume, j'adore ton émission, j'adore toute l'équipe. Énorme, Guillaume, merci beaucoup. Bruce du 71, j'adore Jules, je t'embrasse, mon frère. Salut, ouais. Salut, mec. Gros bisous, mon Bruce, j'ai compris. C'est Kim Kardashian était ligoté, moi j'en aurais profité pour montrer mes jeux. Non, c'est interdit ça. Alors la pauvre. On fait pas ça là. Et puis ça serait notre soeur, on serait pas content. Bah oui, elle a dû être traumatisée. Elle est rentrée direct. C'est clair, j'ai vu les messages, elle a qu'à pas être riche et tout, les mecs, c'est pas vrai. Bah elle y peut rien, elle est ligotée. Les gars, faut pas qu'on vienne d'un pays comme ça, non. Kanye West, il a arrêté le concert et tout. Ouais, c'est abusé ça. Parti, ouais. En vrai, tu sais qu'elle est pas morte, tu sais qu'elle a pas été touchée, tu finis ton concert quand même. Ouais. Les gens, ils ont payé pour te voir. Ouais. Tu vois, après, mais après, c'est sa femme. Non, mais déjà, t'as pas ton portable pendant le concert, excusez-moi, je suis pas d'accord. Ah, mais après, il savait peut-être pas. C'est une urgence, c'est aux États-Unis, le temps qu'il arrive, ça sera fini, quoi qu'il arrive. Elle est rentrée direct. Et il part un quart d'heure après, non, mais tu vois ce que je veux dire, ça change rien. En plus, ils l'ont pas vu à Paris, mais non, mais bien sûr. Ça l'a affecté après, même. Mais après qu'ils disent, on fait une pause de 5 minutes, mais ils disent, on met des instruments en boucle, 5 minutes, je l'appelle et tout ça, bon, je comprends. Arrêter un concert où tes gens, tes fans, ils ont payé, je trouve ça un peu. En plus, c'est pas 20 euros, je pense, le concert. Même si c'est normal que sa femme passe avant ses fans. Bah ouais, ouais. Mais non, je trouve ça un peu limite. Non, Julia? Bah non, mais bon, il a dû avoir très peur pour la mère de sa fille quand même. Quoi. Non, mais je est-ce qu'il savait ça, tout, c'est ça la question? Après, je dis pas, quand tu fais des concerts avec 10 000 personnes qui ont payé 70 euros, t'attends, pour moi, tu finis le concert. Et tu restes, à moins qu'on te dise vraiment, elle s'est fait taper et tout. Si on te dit, elle est sous le choc, mais ça va. Bah, de toute façon, tu sais qu'elle est avec les flics, il va pas se refaire. Mais il a eu peur, je pense. Est-ce que vous auriez continué le concert JM du Standard? J'aurais peut-être pas continué, mais j'aurais fait un autre concert pour les gens qui étaient là. Ouais. Par exemple. Voilà. Ça serait le minimum. Ouais, excusez-moi, oui, mais enfin, oui. 20 minutes de concert, j'aurais arrêté, un autre. Voilà, c'est ça. J'ai stagiaire. Ouais, j'aurais continué, ouais. Toi, t'aurais continué? Ouais, franchement, j'aurais bu un verre peut-être pour oublier, essayer de passer à autre chose, mais j'aurais bu un petit verre de vin ou 2 verres de vin pour un peu changer l'idée. Non, rapport, non mais si, parce que ça va pas très bien, donc faut un petit coup de boost. Tu peux pas arrêter le concert en pleine scène. Donc, ouais. Bah, je sais pas. Il se bourre la gueule, le mec. Bah, malheureusement, au moins, après, tu tiens le truc. Ouais, bah, je sais pas, c'est une solution. Guillaume et FIFA, je vous en offre plein là. Guillaume et FIFA, FIFA, numéro 612. Et attends, et par contre, coupe la radio derrière, s'il te plaît, Mathieu, ça fait un écho là. D'accord. T'es où là? Tu nous écoutes en voiture? Ouais, je suis en voiture, ouais. Mais t'es tout seul ou t'es avec des gens? Non, je suis avec ma copine. Ah, ok. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anita. Et t'as envoyé ça pour rigoler comme ça? Et t'as essayé genre au hasard? Ouais, pour essayer, et voilà. Et t'as vu que ça marche pour de vrai, hein? Ouais, ouais. Bah ouais, on fait un vrai tirage au sort. Je t'embrasse, mon Mathieu. T'as quel âge, toi, Mathieu? D'accord, j'ai 21 ans. 21 ans. Je te repasse Julia et on va prendre ton adresse postale pour le cadeau. D'accord. Ok, merci. Allez, bonne nuit, poteau. Salut, salut, bisous. Bravo. Ciao, ciao. Putain, 21 ans dans une usine nucléaire déjà, c'est énorme. Ouais. 23h20. Plongé dans le monde de la vie, des ennuis, protège bien tes arrières. Alors, j'aimerais qu'on fasse un jeu maintenant. Je vous explique le principe. On va parler des ultimatums dans deux minutes. Julien a 14 ans. Tu m'entends, Julien? Ouais, ouais, je t'entends. Ça va, mon Juju? Salut. Vous allez bien? Vous allez bien? Juju, 14 ans, t'es d'où dans les PO, toi? Attends, j'ai pas entendu. T'es dans les Pyrénées-Orientales. Vous m'entendez mal ou quoi, ce soir? C'est la question de t'es d'où. Ah ouais, merde. Non, ouais, je disais, tu en es où, là? T'es où? De quelle ville? Je suis dans les Pyrénées-Orientales, dans le 66. D'accord, ok, ouais, dans les PO. Ça, j'ai compris. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. T'es ouais. Où dans les PO? Donc la ville, c'est quoi? Estavar. C'est où Estavar? C'est une centaine de kilomètres de Perpignan après le Payat. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Après où? Après le Payat, c'est en gros, c'est ce qui sépare la Cerdagne de Perpignan, tout ça, en gros, ah, de la c'est mer. C'est vers la montagne, c'est... en fait, en gros. Ouais, voilà, en gros. Ouais. Les Pyrénées. Okay. Estavar, pour ceux qui. Voilà, ouais. Très bien. C'est vers le Canigou et tout? Un peu plus loin quand même. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, putain, ouais, c'est dans les terres vraiment énormes. Ouais. Ah oui, c'est à côté de Livia, non? Ouais. Non, je rigole, j'ai regardé sur le. Ah oui, c'est vers Sayagous et tout. Ah ouais, vers Sayagous, évidemment. Attends, dédicace, hein, Sayagousseur, là. c'est juste après la station de ski pour Romeu. Hein. Ah bah c'est oui, vraiment. C'est venu. Ouais, t'es en montagne, en fait, toi, Julien. Ouais. Ah ouais, regarde, merci Google Maps, hein, Guillaume. Ah ouais, mais je peux pas connaître toutes les villes dans les montagnes non plus de toute la France. Bah t'imagines. Non, mais en plus j'adore Foromeux et tout, grosse station de ski, Foromeux, les Angles, etc. Ça c'est mon tata. Bah dédicace en tout cas, Julien. T'es en quelle classe, Julien, toi? Je suis en troisième. Bon, tu vas nous parler de ton. Alors tu t'es pris un ultimatum par ta meuf, aussi on en parlait juste avant. Et j'ai besoin, juste après la pub, de deux joueurs. Deux d'entre vous, vous allez dire à chaque fois que Flo Decado raconte une histoire de meurtre, si c'est vrai ou si c'est faux. À chaque fois, vous marquerez un point si vous avez bon. Et celui qui aura le plus de points, je vous ferai un beau cadeau juste après. J'ai besoin de deux joueurs. Vous m'envoyez Guillaume, un espace, jeu, avec votre numéro, au 612 dans cette émission interactive. J'ai mis un CD-ROM. Allez-y, un Guillaume, et vous m'envoyez, voilà, jeu avec votre numéro au 612. On le fait dans 30 secondes. Le jeu des faits divers, comme tous les lundis. Flo Decado va nous raconter. Il a inventé des histoires, il y a des vrais. Il faudra savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. On se le fait juste après. Et Julien, tu nous raconteras ton histoire après la pub, d'accord? Et pardon, 4 secondes. Vous bougez pas, on le fait après. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Delphine de Moigny sur École dans l'Essonne. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu. Delphine, oui. 1448 euros, c'est ton salaire. Je vais le doubler. Tu m'as touché. Écoute-moi bien. 2896 euros. Oh là, je suis super contente. Merci beaucoup. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Hey, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play a game. Jouer encore. Gagnez avec énergie des box all-inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie.com. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, hit music only.

Et après, c'est marrant à faire. Vous venez, vous avez juste à dire vrai ou faux. Et en fait, celui qui a le plus de points à la fin, Flo Decavado va nous raconter 10 histoires de meurtre en rapport avec des cannibales. Si jamais vous avez plus de points que l'autre qui va passer, c'est vous qui gagnez un cadeau. On le fait juste après. Mais d'abord, tu m'entends, Julien d'Estavard, à côté de Font-Romeu, ouais. dans les PO, dans les Pyrénées, quoi. Et t'es papa. Bah, qui papa. T'es à quelle altitude d'ailleurs, toi, Estavard? Là, t'es haut, non? Ouais, mais je sais pas du tout, je me suis jamais renseigné dessus. Ah ouais, bon, en tout cas, vas-y, hein, dédicace. Mais t'es genre, il y a de la neige vite, quoi. Ouais. Bah, bientôt en plus, là. Surtout, ouais. Ouais. Ouais. Ah ouais, en hiver, octobre, station hein. de ski et tout. Ouais. Ouais, genre à partir du mois d'octobre, bah là, ça va de la venir, neige, ouais. non Comment Genre à partir du mois d'octobre, t'as de la neige. Là pour l'instant non, mais je sais pas, je pense ouais qu'on ouais. va bien à fin du mois, là, ça fait bon, deux ans, c'est en compliqué. En tout cas, vas-y. J'adorerais participer, mais si mes parents m'entendent au tel je suis mort, trop dingue. Bah, je t'embrasse quand même, avec plaisir, hein, les gars. Si vous voulez faire, et on fait des jeux à la radio pour participer, pour faire participer tout le monde, pour que tout le monde s'amuse ici, c'est vraiment le but. Hein. Et si un jour vous voulez venir raconter un truc à la radio, vous êtes à la maison. Hein. Alors mon Juju d'Estavard, qu'est-ce qui t'arrive là? Bah en fait, c'était il y a quelques mois, je sortais avec une meuf. Et je passais beaucoup de temps sur ma moto en fait. Genre je devais passer des après-midi et genre quand les gens m'appelaient, je répondais même pas au téléphone et tout parce que j'entendais rien. Et un jour, ma copine m'a dit, alors c'est toi, soit tu choisis la moto, en gros tu fais de la moto autant que t'en fais maintenant, mais en gros tu me vois plus, ou alors c'est tu réduis ton temps de moto et tu me gardes. Et moi bah, j'ai choisi ma copine parce que bon c'est quand même plus important, tu vois. Ouais, avec la moto, parce que tu sais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de moto. Ah ouais, j'arrêtais pas. Hein. Chaque jour, je me levais. Dès que, à chaque fois les week-ends, je me levais et j'allais faire de la moto. Hein. Ouais, ouais. Même pas, je parlais aux autres. Tain, c'est énorme. Ouais, mais après, je comprends. Mais moi, j'adore la moto aussi. Donc, c'est vrai que c'est mais une passion. Mais de l'arrêter, c'est nul. Hein. Ouais, mais bon. C'est pas toi après. Alors, mais là, tu fais plus du tout de moto? Bah, si, là, j'en fais. Du coup, vu que je suis plus avec, tu vois, je profite. Ah, bah, t'as mais attends, ouais. Avoir une meuf, c'est pas enlever ses passions, ah, les gars. Bah, non, hein, bah, oui. Il y en a qui le mais font. C'est juste. Être en couple, c'est avoir un bonus. C'est un plus, tu vois, dans la vie. Si, avoir, être en couple. Il y en a qui enlèvent leurs potes et tout. Hein, bah, ouais, attends, c'est pas le but. Hein, c'est pas l'un ou l'autre, en général. Hein, c'est vraiment essayer de faire les deux, quoi. Mais qui ont peur après aussi. Attends, JM, justement, ouais. T'as une passion dans la vie, vraiment ta plus grande passion? Bah, je sais pas, là. On pourrait pas t'interdire. Franchement, les poteaux et le foot. La branlette. Mais il le connaît bien. Ouais. Ah, c'est vrai que j'aime le standard, parle tout le temps. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis comme ça. Ouais. J'aime bien, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est important, ouais. Une bonne branlette. Ouais. Ouais. Et alors, et donc, du coup, t'interdirais le foot. Le sport, les potes et le foot, ouais. Ouais, ouais. Ça t'énerverait, tu pourrais quitter une meuf. Ah, bah ouais, faut pas. En plus, moi, je suis pas comme ça, j'interdis pas les choses. Ouais, juste dire, qu'est-ce que tu n'arrêterais pas pour une meuf? Bah, le foot. Bah, le foot, non. Bah, si elle me prend avec le foot, c'est moi, sinon c'est pas moi du coup. Ouais. Si elle me dit d'arrêter d'aller au match de foot ou de suivre le foot, bah, c'est pas moi, c'est pas le Julien qu'elle doit connaître. Ouais, c'est pas le Julien que. Bah ouais, malheureusement. C'est la passion que je partage. C'est pas le Julien qui crie dans les gradins. Non, mais c'est vrai, c'est pas moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Un truc que tu n'arrêterais pas pour une meuf ou pour un mec, Julia, là. Bah, moi, franchement, j'arrêterais pas d'aller au ciné parce que j'y vais assez souvent et j'adore. Bah, tu peux aller avec lui, c'est vraiment une passion ouf, le ciné. Oh là là, on dirait un CV, l'autre. Et après, c'est un truc que tu peux faire à deux. On dirait le fond de CV. Ah, c'est quoi le dernier film que t'allais voir alors? Bah non, bah là j'ai. Ah il t'a pris, t'as séché. Je vois des films aussi sur mon ordi et tout, ouais. Tranquille. Ah jamais mentir, bordel de merde. Je mens pas, vraiment, non, mais j'adore. Je ne pourrais pas passer de temps sans aller au cinéma. La meuf, elle nous dit ça, elle n'est pas capable de nous dire un putain de film. Non, mais parce que je travaille et tout, mais je regarde des films sur mon ordi, quoi. Dédicace au pompier Renaud, truc Lyon. Ouais, non, mais sans s'en fout. Mais de là, donc, t'arrêterais pas une relation parce que tu ne peux pas continuer de regarder de films alors que tu te rappelles même pas. Ça fait combien de temps que t'es pas au cinéma, la vérité? Non, mais franchement, ça fait deux semaines. Mais j'ai regardé un film last week-end. Et c'était quoi il y a deux semaines, ton film? Le film, c'est quoi? Non, mais c'est. Non, mais en vrai, moi j'oublie tout le temps. En vrai, bah oui, je dis pas ça pour la défendre et tout, parce que je vais lui reposer la question en 5 secondes. Il est pourri alors le film. Mais c'est vrai que moi j'oublie tout le temps, j'ai un gros problème de mémoire, ouais. de nom de film que j'ai vu. Ah, moi je l'ai, ouais, Jason Bourne. C'est comme les blagues, mais t'as pas demandé toi. C'est comme les blagues, j'oublie tout le temps, et pareil pour les. Ah, le film quand même. Je me rappelle du dernier film que j'ai vu, mais pas que j'ai vu au ciné. J'ai vu Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin qui est. Ah, ouais, je l'ai vu, ouais. Trop bien. Pas mal. Ah, mais c'est quoi, il est tout petit, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Non, il est pas nain, il est petit. Ouais. Mais en fait, il est en mode un peu rétréci, mais pas nain. Ouais, c'est ouf. Si, un petit peu, j'ai le standard. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Ils le disent dans le film. Ah, d'accord. Petite taille. Je l'ai pas vu. D'accord, ok, très bien. Flo, des cadeaux, un truc que tu pourrais pas arrêter pour une meuf? Moi, je pense que c'est les jeux vidéo. Ouais. Tu vois, je peux réduire. Les jeux vidéo. J'ai acheté une Super Nintendo. Mais non, mais il y a une période où j'ai abusé et j'ai réduit parce que c'est vrai que c'était trop, mais couper complètement, je pourrais pas. Tu joues à quoi, toi, Flo Dicalo? En ce moment, je joue à Left 4 Dead 2, à Counter-Strike et à Batman, le dernier Batman. Ah, c'est vrai, sur quoi? Sur PC. Ah, toi, tu joues sur PC. Ah, il joue sur PC, ouais. Pour ça. Ouais. Mais c'est quoi ces meufs? Moi, le mien fait du son de teuf, il en font dans les skeuds et je lui dis chacun sa passion, sérieux, ça craint. Salut Sarah. Bah oui, il faut laisser vivre. Salut, bah, ouais. Ma copine, elle m'a quitté parce que je fais de la lutte. Salut à toi. C'est bien lutteur. Bah ouais, c'est bien lutteur. Bah, j'ai envie de me tuer. Bah tu rigoles non. Quoi, bah, pour pourquoi une meuf, alors, personne, ça, n'en vaut, personne n'en vaut la peine. Non. Ouais. Et toi Guillaume, tu choisirais quoi comme passion entre la radio, les filles, la moto, le CSA? Bah c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi la radio. Non mais en vrai, entre les filles, la radio, la moto et le CSA, bah le CSA, je veux bien en séparer. Ouais, on a pas le choix. Non, en vrai, ouais, bien sûr, c'est ma passion, la radio, mais la radio n'est pas incompatible avec avoir une femme dans la vie. Hein, ça m'arrive hein, parfois quand j'en ai une. D'ailleurs, je le dirai quand j'en ai. Et pareil pour la moto, je peux venir avec la moto à la radio, par exemple. Ah oui. Finalement, ouais. En fait, c'est voilà. Combiner, c'est quoi. Comme si vous disiez se faire sodomiser, c'est pas compatible avec la radio. J'ai un stagiaire à Libye. C'est quoi la phrase, tu me mêles dedans là. Non, mais pourquoi moi? Il arrive à lier les deux à perfection. Très bien, en même temps. Non, mais attends. Non, s'il vous plaît. N'importe quoi. Respect, s'il te plaît, pour le jeune stagiaire. Ma copine me pose un ultimatum, soit je travaille moins, soit elle se casse et choisit le boulot, et elle ferme sa gueule, on est ensemble depuis 5 ans. Mais bien sûr, salut mon Hugo. Bah, tu t'imposes, ouais. Bien sûr, et comme toi, mon Juju, bon, toi, t'as arrêté la radio, tu t'es un peu plié. Et finalement, t'es resté combien de temps avec la meuf là? T'as fait moins de moto, mais t'es resté combien de temps avec? Ah, j'ai dû rester 9 mois avec, je pense. Ah ouais, parce qu'au bout d'un moment, ça me saoulait. Parce que, genre, elle me disait d'arrêter la moto, mais elle était bien contente quand je pouvais l'amener quelque part, tu vois. Ouais. Bah ouais, oui. Mais bien sûr. Attends, il y a plein de meufs qui font genre, il faut pas ci, fais pas ça, puis finalement elles sont contentes. Hein. Elles parlent beaucoup des fois. Et non, après, mais c'est normal, pas. Mais ah les oui. Mecs aussi, c'est un peu les deux. Moi, il y a une fille qui m'a carrément dit, si tu pars en Belgique à l'époque pour faire de la radio, je te quitte, je suis resté 5 ans avec elle, et bah finalement j'ai choisi la radio. Hein, qu'elle t'aime pas alors. Et heureusement, parce que s'il faut, elle m'aurait quitté 3 semaines après, oui. Tu vois. Ouais. Heureusement que je peux pas interdire aux gens. Ah non, mais bien sûr. J'ai un stagiaire, c'est Anthony, plus jamais rien dans ton trou de balle. Ça changera pas donc. Le stagiaire choisirait quoi entre 1, 2, 3, 4 ou 5 doigts dans son anus? Non. Bah 0-0, c'est bon. Proposez-moi les dilemmes. Oh non, Guillaume, merde. Et votre dilemme au 612. Le dilemme de GS stagiaire. Il y a le CSA qui écoute, n'oublie pas Guillaume. Faut pas que ce soit trop hard. Allez-y, Guillaume, et vous pouvez proposer. On sera boosty. J'ai l'impression d'écouter ma chronique maintenant. Ouais, bah oui. Sia, Kendrick Lamar. Avec Claudio Capéo. Le mien, c'est le dimanche à la chasse, ça fait 4 ans, salut Kelly là. Ah bah ouais. Julien Stagiaire, on lit soit par la bouche, soit par le cul. Oh, non. Stagiaire dit ça alors qu'il a manqué la finale 2006 pour son ex. Ah, bah c'est vrai, ça. Alors tu l'avais raconté. Oui, bah c'est pour ça que je dis ça maintenant. C'était la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde en Allemagne, c'est France-Italie. Et Julien Stagiaire est de Zizou. Et il est même pas allé voir la finale. Alors que dans ma vie, plus jamais j'irai. Ah bah c'est sûr, pour une fois. Plus jamais, c'est pour ça que maintenant. J'ai mis un ultimatum, c'était un vrai ultimatum qui t'a mis. Non, c'est oui, mais c'est moi aussi qui ai dit oui, donc après j'étais consentant. Ouais, non, mais bien sûr. J'étais mon canard et j'ai préféré rester avec elle, et puis au final. T'as pas essayé de te battre pour y aller? Bah non, j'étais un peu mou, et puis voilà. Ouais, ça me servira de leçon. T'as un peu accepté, voilà. Ouais, c'est vrai. Un peu vite. Et donc, ouais. C'est vrai qu'il y en a un qui dit, parce qu'il y a deux minutes, oui, bien sûr. J'ai stagiaire a dit, je suis pas prêt à arrêter foot pour une fille, et puis finalement, c'est ce qu'il a fait. Mais il y en a qui ont des mémoires. Ah, mais j'y pense souvent à cette histoire en plus, hein. J'en ai parlé avec toi. Le dernier Batman est super, il y aura les deux d'avant qui seront remasterisés. C'est cool, salut Flo des Crados. Ouais, salut. Julien, il avait le choix entre une petite bite et une bonne mémoire, et il se rappelle plus ce que j'ai choisi. N'importe quoi. Le stagiaire copule avec un âne, merci, dédicace à vous tous les meilleurs. Jessica de Doha. Salut. J'ai un stagiaire hésite entre ces deux moments, ces deux amours, Magloire et Michou. Pas du tout, je les connais j'écoute pas. Votre radio à chaque fin de service, c'est vraiment génial. Eh ben, je t'embrasse, mes amis. Merci d'être là avec nous, les potos. J'ai besoin de deux d'entre vous. Maintenant, on va faire le jeu des faits divers. Flo des cadeaux raconte 10 histoires. Il faudra savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. On se fait Claudio Capéo, un homme debout. Guillaume, un espace, jeu. Avec votre numéro au 612. Que vous avez 10, 15, 20, 30, 50 ans, venez avec nous, on va rigoler ensemble les mecs. Faudra juste dire si c'est vrai ou si c'est faux. Guillaume, un espace jeu avec votre numéro au 612. Et je vous appelle maintenant sur Énergie. Ok. Je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, comme troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, eux prennent le temps, ne font que courir. Ben, si je m'endorme, c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Même si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Allez sur Énergie, bonne soirée. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a de plus en plus d'araignées au mur dans le studio là. Ouais. En haut juste derrière, il y a des nids d'araignées. Faudrait le dire, chez Sonda. On l'aura déjà dit en plus. Ça va être relou s'ils nous descendent là. Il y a même des trucs qui sont en train de se voir les lampes là. On est en direct. Hein. Bonne nuit les mecs. Guillaume Radio 2.0. Bon courage hein, si vous travaillez cette nuit. Je m'appelle Guillaume. Guillaume Play, c'est Guillaume Radio 2.0. Le nom de cette émission, on fait de 22h à minuit. Il y a Julien Stagiaire qui est là chaque soir. Ouais, je suis là, salut. JM du Standard qui est là. Salut à tous. Julia qui est là aussi. Salut. Et Flo des cadeaux qui est là. Fréquent. Un gardon fou des cadeaux. Droit comme un piqué. Ah ouais. Il est prêt à bondir. J'ai un stagiaire a vendu ses cheveux pour se payer des putes. Non, sérieux, c'est méchant de dire ça. J'ai un stagiaire a le droit de se. Ah ouais. Donc si le mec à Julien lui demande d'arrêter d'aller dans les gangbangs, oh, mais arrêtez, c'est pas drôle. Pour lui, que ferait-il? Alex le routier. Pas rien. Non, respectez Julien stagiaire. Ah bah c'est bien, c'est merci. Notre petite brioche à nous. Une brioche, c'est moche. Attends. Bah non. Bonsoir à toi. Je vous embrasse en tout cas. Merci pour les miss. Alors, on va prendre vos réactions. On a pris deux d'entre vous qui vous êtes inscrit. Il y a Vincent qui est arrivé en premier. Bonsoir Vincent Danger. Salut. Fais un petit tirage au sort parmi tous les numéros. Ça va Vincent, t'as 15 ans toi, c'est ça, du 49, du Maine-et-Loire. C'est ça. Salut Angers. Ouais. Salut Vincent. Salut les gars. Vincent qui est en troisième. Non, je suis en apprentissage. En apprentissage de quoi? En boulangerie. En boulangerie, vas-y, bah bienvenue. Et puis il y a Manoiri. Bonsoir Manoiri. Bonsoir Manoiri. Salut. T'appelles du Calvados. Bonsoir. Ouais. Ça va Manoiri? C'est qui le papa? C'est qui le papa? Vous allez bien? Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre. Parfois je voudrais la voir brûler. Vincent qui est là. Manoiri, t'es en quoi toi Manoiri? Quelle classe? Moi je suis en quatrième. Moi tranquille, quatrième du Calvados hein. Ouais. Quelle ville? Argence. Argence, très bien. C'est pas très connu, c'est dans la campagne. Ouais. Bah salut Argence. Alors c'est vers où Argence? Je ne saurais pas où te le situer parce que je suis complètement merdique en géo. C'est vrai, non mais je sais pas, il y a une grosse ville à côté. Il y a Caen. Caen. Non, il y a Canteloup juste à côté. Ah comme l'imitateur. Ouais, il y a Canteloup. Exactement, comme la ville. Voilà, comme exactement. Comme Nicolas Canteloup. Exactement. Bah Nicolas Canteloup, ça s'appelle comme une ville. Peut-être en fait. Peut-être qu'il y a de là-bas. Hein. C'est après à l'est de Caen, c'est vers Moult. Saint-Pierre-sur-Dévé, toi, ouais, ok, Frénouville. Salut les mecs, représente le 14, hein. Salut à tout le Calvados, les gars. Salut. La basse Normandie, la haute Normandie en force, les gars. Attention, on y va, Manoiri. T'es déjà passé à la radio, Manoiri, ou jamais? Non, c'est ma première fois, dépucelage radiophonique. Dépucelage radiophonique, exactement. Et Vincent, dépucelage radio aussi, non, ou pas? Non, dépucelage. Ah, double gangbang. Ouais. Demain, je veux qu'on mette des alertes, c'est ça. Hein. Faut, ouais, ouais. Faut des cadeaux, on note. Hein. Je vais à la chasse, je vais s'agir, fais le bruit de l'oiseau et tu t'arrêtes quand j'ai tiré. Ok. C'est plutôt pas mal. Pas mal. J'aime du standard. Tu fais, fais un autre animal, celui que tu veux, qui vole. Qui vole, la mouette. Ouais, vas-y, vas-y. C'est un hibou. Ouais, ah ouais, c'est un hibou, ça. T'as la mouette qui me fait. Mais non. T'es au bout du rouleau. La mouette, là. C'est. Non, c'est. Ouais, mais c'est. Voilà. Attends, tu le fais mieux. Attends, Flo des cadeaux, tu le fais mieux, là. Ok. Ouais. Bon, Manoiri, Vincent, Vincent Manoiri, vous allez me dire juste vrai ou faux, d'accord, à chaque fois. Ok. Le principe est simple. Une chèvre, deux hommes. Non, c'est pas ça. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. Putain, c'est bon. Alors, juste, excusez-moi. J'ai fait ton cul, là. Hein? Ça va me manquer, les petits pervers. Ah, merde, ouais. Je vais mettre une petite musique de qui fait peur. Flo des cadeaux, tu nous racontes une histoire. Tu l'as peut-être inventée ou elle est peut-être vraie. Il faudra savoir si c'est vrai ou faux. C'est comme tous les lundis, on se fait ce jeu des faits divers. Juste, Manoiri, est-ce que tu peux faire gaffe à pas frotter ton téléphone, frérot? Parce que ça s'entend l'antenne. Ok, d'accord. T'as mis des écouteurs, non? Ouais, ouais, tiens bien le micro. Ouais, parce qu'on t'entend souffler, sinon on entend frotter sur la couette et tout. Fais gaffe. D'accord. Attention, cette émission n'a aucun sens. C'est ça qui est marrant. Mais c'est exactement le plus beau compliment que tu puisses m'avoir. Ah ouais. J'en ai marre des choses qui ont trop de sens là. C'est vrai. Dans les prisons de Nantes, il y avait la Ligue de Paris. Il y avait la Ligue de Paris. Il y avait la Ligue de Paris. Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier. Il y avait un prisonnier. Personne ne va voir que la fille du geôlier, la fille du geôlier. Voilà, on s'amuse. Alors, Vincent, Manoiri, c'est parti. Flo des cadeaux, première histoire. Pour envoyer Guillaume et si vous avez trouvé ou pas. Hein, c'est, on joue tous ensemble, les gars. Mais là, il y en a deux qui jouent. Il marque des points si c'est vrai ou si c'est faux. Flo des cadeaux, on t'écoute. C'est en Chine, c'est un homme qui a enterré sa mère de 85 ans. Et deux jours après, le gardien du cimetière a appelé la police parce qu'un homme était entré dans le cimetière. Et quand il a été interpellé, ils se sont rendu compte que c'était le fils qui était revenu. Il avait déterré sa mère et il lui avait coupé un bras. Il était en train de le manger. Il a été condamné à la perpétuité. Oula, c'est. Ah, ça commence bien là. C'est beau, ça. En Chine? Oui. À Uruk. Dans quelle ville? À Uruki. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vincent, qui est arrivé en premier, c'est toi qui commence. Moi, je dis que c'est vrai parce que de toute façon, ils n'ont rien à bouffer là-bas. C'est pas vrai, ça. Vincent, d'un côté, il dit que c'est vrai. Manoiri. Moi, je dirais que c'est faux. Il donne trop de détails imprécis. Enfin, je trouve. Tu dirais que c'est. Après, c'est mon avis. Faux. Faux. D'un côté, Marouani dit que c'est faux. Flo des cadeaux dit que c'est vrai. Vincent dit que c'est vrai. J'ai un stagiaire. Moi, je vais dire que c'est vrai. Un mec qui déterre sa mère. Il a vrillé, je pense qu'il a pété un plomb, il s'est dit allez, je vais faire ça. J'ai un stagiaire, j'ai mis le standard. Ouais, c'est possible aussi, je vais dire vrai. Julia ? Moi, je dis faux. T'as besoin de prendre ton. J'ai dit faux, j'ai dit faux, Guillaume. Girl power, Guillaume. Je suis seul. Ça va venir l'histoire. Faux aussi, Flo des cadeaux, et la réponse est. Eh ben, c'est faux. Alors très bien, un point pour Marouani, zéro pour Vincent. Manoiri. Pardon? Manoiri. Mavoiri qui est avec nous au standard et donc d'un côté Mavoiri et puis d'un côté Vincent. Mavoiri, c'est à toi que commencer, d'accord? Ok. Ok. Allez mec. Alors on y va. Patchouli, tu commences donc de. Non, je rigole. Je t'embête. Je t'embête. Il faut me dire, frérot. Et moi, vous pouvez y aller, les mecs, à l'antenne. Rien à branler. Et si j'écorche deux fois votre prénom, vous me le dites deux fois. Hein. Ok. C'est Manoiri, c'est ça? Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit, Manoiri. Manou. Non, j'avais dit Marouari. Non. T'as dit Manouari. J'ai dit Manouari. Non, Manouari, je te jure, c'est marqué en gros sur ma fiche. C'est un mal combat, ah, salut. Y a pas, c'est pas grave. Alors, on y va, Marouari. C'est parti, on commence. Attends, feu des cadeaux. Ouais. T'as marqué un point, justement, Manouari. Ouais. Bravo à toi. C'est de quelle origine le prénom Manouari? C'est joli en plus. C'est polynésien, la ville de Tahiti. Ah, énorme. Ah, ouais. Attention, deuxième histoire, flot des cadeaux, on t'écoute. Alors, c'est au Japon, un artiste de 22 ans qui s'est fait couper le sexe parce qu'il se disait asexué. Et en fait, pour financer l'opération, après, il a récupéré son sexe qu'il a cuisiné et qu'il a vendu à des gens consentants. C'était 200 euros la pièce et il n'a pas été poursuivi parce que le cannibalisme n'est pas illégal au Japon. Et il a fait quoi? En gros, il s'est coupé le sexe parce qu'il se disait asexué et après, il l'a vendu pour financer son opération. Il l'a vendu, mais pour quoi faire? Il l'a cuisiné, il l'a vendu à des gens qui étaient consentants. Pour bouffer sa bite. Voilà, 200 euros le morceau. 200, c'est pas vrai? Si. C'est enfin, l'équivalent de 200 euros. Ouais, on a compris. Ouais. Je te serais prêt à payer 200 boules pour un bout de queue? Non, bah, pas un bout de queue, non, pas cher, je suis pas cannibale. Voilà, vous êtes quand même spéciaux, les mecs, merci de Paris. Hein. Guillaume, tu fais trop rire, si seulement Guillaume Radio 2.0 pouvait durer toute la journée, c'est gentil ça. C'est la seule émission de radio où tu entends une musique chelou avant une musique bretonne et au beau milieu, une conversation tout à fait normale. Attention, Vincent, Manouari, tu commences. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux cette histoire de couper la bite et vendu 200 euros en bout? C'est vrai. C'est vrai pour toi. Vrai pour Manouari. Et pour toi, Vincent? Moi, je dis que c'est faux. Toi, tu dirais que c'est faux. Très bien. Geste JR. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Hein. Tu dirais que c'est pas vrai. Très choquant, je trouve. Tu dirais que c'est vrai, geste JR, Jim Sandard. Je vais dire faux, Guillaume. Faux, Julia? Moi, je dis faux aussi. Je vais dire vrai, moi, Flo des cadeaux. Je vais dire vrai, et la réponse est. Eh ben, c'est vrai. Putain, je fais un sans faute ce soir. Faux, et Marouani aussi fait un sans faute. Deux points pour Marouani. Attention, il y a une histoire atroce qui arrive. La troisième, elle est un peu violente. Il m'a dit, on la fait juste après ça. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Metro Games. This is Charlie Puth. C'est Louane. Now, votez pour les Energy. Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non. Pour nous. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards 2016, le 12 novembre. And the winner is... En direct de Cannes sur TF1. Thank you. Energy. Hit music only. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la high-tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Envoie dispo au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo DISPO au 63602. Ne cherche plus et reviens au plus simple. Dispo au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS et énergie. Le 19 octobre, retrouvez Manu dans le 6-9 et Coé en direct du Parc Astérix. Avec Énergie. Vous voulez assister aux deux émissions? Rendez-vous sur energie.fr pour vous inscrire et peut-être vivre une expérience inoubliable. Peur sur le parc, le 19 octobre, en direct du Parc Astérix. Énergie. It's music only. Salut les geeks, c'est Kevin Razi. Avec Energy Games, tentez de gagner vos entrées pour votre salon, la Geeks Live. Retrouvez toute l'équipe sur le stand Energy Games avec au programme de la high-tech, des tournois Street Fighter V et Clash Royale et bien sûr plein de cadeaux. Jouez sur energygames.fr et rendez-vous mercredi 12 octobre au Carreau du Temple à Paris. Energy Games, play again. Jouez encore. Jeux jusqu'au 11 octobre 2016 et règlement sur energygames.fr. Kevin Razi fait la pub de Energy Games, ça y est. Ah ouais, alors il fait que des pubs en ce moment, Kevin Razi. Ouais. C'est quand même spécial, j'adore l'émission, c'est tellement marrant. Eh, merci beaucoup, les gars. Alonso Binta, on se cale après. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paris, on lui veut la part des partant, on est avec Vincent d'un côté, de l'autre côté, Manoiri, qui joue ce soir, on joue au jeu des faits divers. Il faut réfléchir et se dire vrai ou faux quand il y a une histoire de meurtre. Flo des cadeaux en a inventé et on a en tout 10. Il y a des vrais, il y a des fausses, on ne sait jamais combien. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de bons points. Attention, c'est parti, on t'écoute, Flo des cadeaux pour la suite. Alors, c'est aux États-Unis, George Portway qui a été condamné à 27 ans de prison. Parce qu'il a été surpris sur Internet en train de discuter d'enlèvement, de viol, de meurtre et de cannibalisme sur des enfants. Ouais. Et en fait, la police, quand elle est allée perquisitionner chez lui, elle a découvert qu'il s'était construit un donjon exprès. Il y avait une salle qui était insonorisée, une cage, un cercueil à la taille d'un enfant, des scalpels, des couteaux de boucher et des outils pour castrer. Oh, putain. Il avait aussi des congélateurs, il a été condamné à 27 ans de prison. C'était où ça ? Aux USA, j'ai pas la ville exacte. D'accord, ok. Attends, et c'était un mec qui a pris 27 ans de prison ? Ouais, il a été chopé sur Internet en train de discuter de ça. Et quand ils sont allés chez lui, ils ont découvert qu'il avait construit un donjon. Mais un vrai, mais c'était pour des enfants ? Ouais, ouais, il y avait des cercueils à la taille d'enfants, des cages et une salle insonorisée. Mais il a tué personne ? Non, ils l'ont chopé avant. Il a quand même pris 27 ans de prison au cas où. Le temps qu'il... Enfin, même le temps... Il change un peu. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, attends, c'est... Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux, Vincent ? Moi, je dis que c'est vrai. Toi, tu penses que c'est vrai, Marwani ? Moi je pense que c'est faux, il y a beaucoup trop de détails incertains. Et pour l'instant je rappelle quand même Marwani que le mec fait un complètement sans faute. C'est un truc de ouf. Le mec il cartonne là ce soir, il a pas une erreur, etc. On va voir si ça réussit jusqu'au bout. J'ai un stagiaire. Ah c'est faux, c'est abusé. J'aime du standard. Faux pareil, ouais. Faux, Julia. Vrai, il y a beaucoup de détails et je pense que c'est vrai. Je dirais que c'est faux. Flo des cadeaux. La réponse est. Eh ben c'est vrai. Oh, ah merde. Sérieux, c'est vrai ça? Premier point pour Vincent, oh là bravo là. Vincent! Bravo mec! Et là, il remonte, Vincent! C'est un taré. Et t'avais pas la ville quoi? Non, j'ai pas la ville exacte. Ah ouais, t'étais juste pas renseigné sur celui-là quoi? Bah, il y avait pas la précision. Ouais. D'accord, ok, bah très bien, c'est pas grave, écoute, hein, t'auras fait ton possible là, voilà. tu me fais j'ai le nom du mec. Salut. Ah, t'as le nom du mec? Ouais. Bah, pourquoi je l'ai pas dit? Si, je l'ai dit. Il l'a dit, Ah si, d'accord. Geoffrey genre... Portway. D'accord, ok, bon bah c'était... j'aurais dû me douter. Très bien, Vincent d'un côté, Manoiri de l'autre. Et on va voir maintenant pour une quatrième histoire, c'est parti. C'est en Croatie, un tueur en série qui s'est fait arrêter parce qu'en fait il se faisait livrer des morceaux de cadavres par la poste directement chez lui. Donc en fait il tuait ses victimes dans la banlieue, il les découpait et il emballait les morceaux et il se les envoyait chez lui pour les bouffer. Et il s'est fait choper puisque un des colis a pas été livré, il a pourri. Et donc quand les employés de la poste ont ouvert, ils ont appelé la police. Attends, il s'envoyait lui-même le colis. Il tuait les gens, il les découpait sur place et il s'envoyait les morceaux pour éviter de les bouffer sur place. D'accord. Ok, très bien. Vincent ? Pour moi, c'est faux. Faux. Marwani, Manoiri. Pour moi aussi, c'est faux. À chaque fois que je livre un colis à la poste, c'est toujours vérifié. Ouais, on est un peu d'accord. Julia Stagiaire. Ah, c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est une technique, je pense. Que... J'aime du standard. Ouais. Non, je veux dire faux. Au moins tu dirais faux. Julia. Faux. Faux. Moi aussi, je dirais que c'est faux. Faux des cadeaux. La réponse est. C'est faux. Ah, merde. Putain. Et cette petite catin de Flo des cadeaux, ah ouais. Je vais vous dire un truc, il me regardait comme ça, d'un air de dire bah non, c'est vrai, non, c'est vrai. Après, Luca Rocco Magnotta, il a réussi à envoyer des morceaux de membres par la poste. Ah, c'est vrai. C'est la charte de poule. C'est catastrophique. Ouais, non, mais c'est vrai, il a raison. Alors, attends, voilà, on va voir. Salut, les mecs, vous vous rendez compte que vous êtes quand même en train de changer le monde de la radio dans le bon sens du terme, bien sûr. Ah ouais, c'est gentil. Merci, merci. Ah, c'est sympa. Alors, je crois qu'on change pas grand chose, hein. On change déjà pas nous-mêmes, alors. Je suis le chanteur. Ah putain, on y va avec Vincent et Manoiri. Et c'était qui ? C'était vrai ou c'était faux ? C'était faux. Un point pour Vincent de plus, ça fait 2. Et un point de plus aussi pour Marwani, ça fait 3-2. Attention, encore une histoire, Flo des cadeaux, c'est parti. Alors c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est 29 personnes qui ont été arrêtées puisqu'elles ont tué 7 sorciers qu'elles considéraient comme de mauvais sorciers. Et une fois tuées, elles ont mangé leur cerveau cru et elles ont fait une soupe avec leur pénis. Elles considéraient que ça leur permettrait d'assimiler leur pouvoir. Ah, oh, ça c'est vrai, ça non, ça c'est un truc qui est possible. Ouais. Ou pas, remarque, hein, parce qu'il a une tête de fouine là. Manoiri. Bah, je pense que c'est vrai. En Papouasie, ils ont plutôt des trucs bizarres sexuels. Toi, tu dirais vrai. Ouais. Vincent. Moi, je dis que c'est faux. Je dirais que c'est faux. Tu peux répéter l'histoire, Flo des cadeaux ? Ouais, s'il te plaît. C'est en Papouasie, c'est 29 personnes qui se sont fait arrêter parce qu'elles ont tué 7 sorciers qu'elles considéraient comme mauvais. Et donc, elles ont bouffé leur cerveau cru et elles se sont fait une soupe avec leur pénis. Elles pensaient que ça leur permettrait d'assimiler leur pouvoir. Très bien. Pas de. Ok. Pour moi, Je veux dire un truc. C'était en 2012. Ça sent l'enculade. Ouais, la police. Je veux dire. J'aime du standard. Faux. Flo. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi la police elle se mêle aux sorciers d'un coup, enfin, peut-être que. Parce que si tu tues quelqu'un, la police c'est son rôle. Ouais, mais. Je pourquoi ah, c'est vrai, je dirais. Toi, tu dirais que c'est vrai ? C'est genre une vengeance. Julia. Ouais, c'est faux, comme par hasard, il y a un pénis dans l'histoire. Non, je veux dire un truc, moi, pourquoi je dirais que c'est faux ? J'ai peut-être tort. Hein. C'est parce que Flo des cadeaux, quand il y a des pays un peu comme ça, ils prononcent le nom en entier, un peu comme un neuneu. Après, ça se dit et comme ça. Il aurait dû dire Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, il a dit Papouasie. T'as pas dit Papouasie-Nouvelle-Guinée ? J'ai dit au début, je crois. Non. Et rien pour se détendre. Ah si, c'est vrai. Ouais, il a dit. Une fois juste. C'est vrai. Ah. Pas quand il a répété. Et en Papouasie, il y a vraiment des trucs avec des sorciers. Il y a même des îles où il y a des cannibales. Ouais. Vraiment, hein. Il y a des vraies îles et tout ça. J'ai un pote qui allait, moi, en voyage. Ah ouais. Et il y a des îles qui sont interdites. Il y a encore de tribus, là, à l'époque et tout. Et si tu y vas, ils te bouffent complètement. Et donc, c'est totalement vrai. Flo des cadeaux, je dirais faux. Je suis peut-être en train de me prendre le plus gros mur de ma vie. Ouais. Mais je sais pas pourquoi ton air narquois là. J'ai l'impression que c'est faux. Et la réponse est fausse. On t'écoute. Bah, tu viens de te prendre un mur, c'est vrai. Ouais. Parce que j'aurais pensé qu'il bouffe quelqu'un, mais de là à tuer les sorciers, bah, si, sept d'un coup, je sais pas, c'est bizarre, non ? Bah, c'est chaud. Pas d'un coup, mais ils en ont tué ça. Ah ouais, je sais pas, c'est bizarre alors. Donc c'était vrai. Et ben c'est Manoiri qui remarque un quatrième point. Bravo. Allez mec. Un petit dernier avant de vous laisser avec Mickaël. On y va. Un petit dernier feu des cadeaux. C'est au Brésil. C'est trois adeptes d'une secte qui ont tué et mangé des femmes. C'était une méthode de purification selon eux. Et en fait après ils ont utilisé les restes pour confectionner des beignets qu'ils ont vendus aux touristes. C'était en 2012. C'était où? Au Brésil. C'était au Brésil. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Manoiri? Que c'est faux. Tu dirais que c'est faux ? Vincent ? Ouais. Vrai. Tu dirais que c'est vrai ? Juste agir. Ah, c'est faux, il l'a inventé, c'est dégueulasse, il baignait là. Faux. Julia ? Faux aussi. Moi je dirais que c'est faux, Flo des cadeaux. Et la réponse est ? Je suis content qu'on finisse là-dessus parce que vous avez tous tort, c'est vrai. Bah non, Vincent, ah bon, ouais. 3 points pour Vincent là. Ouais. 4 à 3. Et vous savez quoi, on en fait une dernière. Allez, allez. Allez. Non, parce que j'en ai marre. Il est bien le jeu. Les deux dernières, je vous dis. Je elle est dans le cœur de tous mes scandales. De Marseille à Paname, on lui veut la part des ans comme ça. Allez. On y va. Dernière histoire, Flo des cadeaux. Est-elle vraie ou est-elle fausse si vous êtes en voiture ? Notre responsable des cadeaux. Enfin, responsable de lui-même, déjà, c'est déjà dur. C'est lui qui envoie les cadeaux le matin. Il s'appelle Flo. Flo des cadeaux, il nous raconte tous les lundis 10 histoires. Est-ce que c'est vrai ou faux ? L'émission est passée trop vite vivement demain. J'adore vous écouter. Merci les merci. Copains. Faites de la radio à la Max Meignier. Salut les potos. Nouvelle génération, c'est super. Merci, man. Merci beaucoup. Salut, vive le chichi chacha. Salut à toi. Salut. Flo des cadeaux, on t'écoute. C'est aux USA, dans l'Iowa, à Des Moines. C'est un homme qui s'est marié et en fait, il a passé donc sa nuit de noces le soir même. Et le lendemain, quand les employés de l'hôtel sont arrivés dans la chambre, ils ont découvert la mariée qui était allongée sur le lit, complètement défigurée, et l'homme qui était nu, rempli de sang. Et il a avoué donc lui avoir arraché le visage avec les dents parce qu'elle lui a avoué une tromperie 5 ans avant. Et donc, il sera jugé en novembre prochain. Vincent ? C'est vrai. Vrai ? Marwan, Manoiri ? Je dirais aussi vrai. De vrai. J'ai un stagiaire. Ouais, c'est vrai. Coup de folie du mec, c'est ça. J'aime du standard. Je vais dire faux. Julia ? Vrai. Je vais dire faux. Ouais. Flo des cadeaux. Oh, la pression. Ouais. Flo des cadeaux, la réponse est fausse pour moi. Vrai pour Manoiri. Vrai pour Vincent. Vrai pour J'ai un stagiaire. Ouais, vrai. Faux pour JM du standard et ouais, pour Julia. Vrai. Moi, je dirais que c'est faux. Et la réponse, est-ce que je termine sur une victoire ou pas ? Eh ben c'est vrai. Ouais. Ça rase là. Il y avait rien de fou dans l'histoire, mais je me fais Il a bouffé le soir de sa nuit de noces. Ah non, ouais, c'est clair. Non, c'est elle clair. Lui a avoué des choses chelous. Non, c'est clair. Mais tu hésitais au début. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je me suis dit, le mec, il est en train de nous prendre. J'ai voulu faire sans lire pour vous perdre. Eh ben, pour nous quoi ? Pour vous perdre un peu. Ah. Bah bien joué. Écoute, en tout cas, Manoiri a gagné. Ah, attends, j'étais en train de plier ma feuille. Avec 4 points contre 3 points, c'est Manoiri qui gagne. On va t'envoyer un cadeau, bravo, Manoiri, bravo, d'accord Manoiri. Bien joué. Ok, frérot, tu m'entends, Manoiri ? Ouais, je t'entends. Ok, t'es content ou ça te fait chier là ? Non, franchement, je suis trop content. Vas-y, en plus, je vous kiffe tout. Ça fait je sais pas combien de fois que j'ai essayé de jouer. C'est vrai. Donc, franchement, je kiffe. Vas-y, bah t'as vu que ça marche en tout cas. Bravo. Ouais. Je vais te repasser le standard, on va voir ce qu'on t'offre. D'accord, Manoiri ? Bien joué, mec. On va t'envoyer un cadeau aussi, Vincent, on va voir ce qu'il y a, ok ? Oui. Ok. C'est cadeau, c'est double cadeau pour vous. Allez, bisous Manoiry, bisous. Merci. Vincent, bon courage les mecs. Vincent Danger, 49, le Maine-et-Loire, représente Manoiry, le Calvados, Argent sans. Je veux faire une dédicace. Évidemment, tes couilles. Dédicace à ma mère qui m'écoute juste à côté. Ouais. À tous mes potes de collège qui me reconnaîtront parce qu'ils vous écoutent. Ouais. Et okay. Aux meufs que je kiffe mais que je peux pas pécho. Merci. Merci Flo. Allez, gros bisous Manoiry. Bisous à toi. Bisous Vincent. Vas-y. Dédicace à Morgane. Tout à l'heure j'ai envoyé le message et puis bah fête ton anniversaire demain. Donc gros bisous à toi. Il est minuit 5, il est minuit 5 peut-être maintenant là. Ouais. On est le 4 octobre aujourd'hui. Ouais. Bon anniversaire Morgane. Bon anniversaire Morgane. Bon anniversaire. Bon anniversaire Momo. Manoiry qui est là, Vincent qui est là aussi. Vincent qui fait la petite dédicace à Momo. Gros bisous à vous, bon anniversaire le 4 octobre si vous êtes né aujourd'hui. Je vous embrasse les mecs, gros bisous à demain tout le monde. On sera à demain. Pas les pervers demain. Ah bah non, c'est triste. On sera autre chose du coup. Pas de problème, on a plus le droit de les faire, mais on fera autre chose, il y a pas de problème. À demain j'ai stagiaire. À demain Guillaume, salut. À demain JM. Bonne nuit Guillaume, à demain. À demain Julia. Salut tout le monde. À demain Flo des cadeaux. À demain Guillaume, bonne nuit. Allez, bonne nuit les poulets, bon courage chez vous si vous travaillez, si vous avez cours demain matin. On est là les mecs. Tous les soirs en direct, les vrais se retrouvent ici de 22h à minuit. On se retrouve de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants tous ensemble, les gars. Voilà, passez le mot si vous des potes vous demandent quoi écouter soir ou quoi, dites-leur bien énergie 22h minuit, les gars. On se retrouve demain. Gros bisous, les mecs. Vraiment un gros kiff de faire de la radio avec vous. Je t'embrasse. Vous avez kiffé de passer à la radio ou pas, Vincent et Manoiry là? Ah ouais, trop. Ça fait plaisir, ouais, franchement. Ah, c'est cool, les potes. Bah, avec plaisir quand vous voulez, ok. Ouais, et puis okay. Pour tous ceux qui croient que ça marche pas, bah, moi j'ai testé, bah, ça fait la première fois que je teste, et puis bah, je suis passé direct, quoi. Ah, bah voilà, merci beaucoup de passer le message. Ouais. Je dis pas que vous passerez direct des premiers messages, mais franchement, on vous rappelle tous, quoi. À bientôt, Man, en tout cas, merci. Hein. Manoiry et Vincent. Désolé pour la petite voix un peu pétée, j'avais la grippe aujourd'hui. Et je crois que. Alors, JM Zin me dit que c'est l'anniversaire de Toff. Ouais, c'était hier, je crois. De l'équipe de Mickaël. Ouais. Ah, c'est vrai, merde. Attends, est-ce qu'il m'entend, Mickaël? Ouais, ouais. Putain, c'est toi qui m'as refilé cette merde. Non, mais c'est toi qui viens dans mon studio parfois là. J'ai senti que c'était un microbe de ouais, c'est venir là. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai envie de gerber. Ah, c'est vrai? Putain, on est tous malades, ouais. C'est super. Ouais, c'est un virus, en même temps, c'est normal, on partage les mêmes micros. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Toff avait quelque chose à dire par rapport au micro JM. Ah. Non, pourquoi est-ce que tu Je pensais par rapport à l'odeur. Ah non, tout va bien. Ah d'accord. Alors ça, c'est une belle répartie. Tout va bien. Ah, mais bon, c'est Toff. Non, mais depuis qu'il a pris un nom de plus, c'est plus le même. Ah. C'était quand il a changé hier. Le 3 hier. Enfin, c'était il y a 7 minutes encore, 3 octobre. Ah, ouais. Et bah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Non, bah voilà, attends, parce qu'il a pas encore mis son casque. Mais tu vois, il est devenu vieux là maintenant, ça y est. C'est ça, je me fais avec mon déambulateur. Bon anniversaire. Il se déplace tranquillement. T'as mis un peu de musique, Toff. Voilà, bon. J'ai coupé un le vrai nom. Ouais, c'est gentil, merci. Bon, bah, j'avais une musique de joyeux anniversaire, mais je ne peux plus la mettre non plus. Ouais, je suis très déçu. T'as des cadeaux ou pas? T'as des cadeaux, t'as des trucs? J'ai une très belle caméra. Oui, oui, qu'il s'est payé lui-même. Voilà. C'est quoi comme caméra? Une caméra 360. Ah, c'est vrai? Non, il va pouvoir faire des films porno, ça va être génial. Ouais. Et ben, qui fait bien avec la caméra 360. Je vous laisse vous amuser pour votre anniversaire. Gros bisous tout le monde chez vous. À demain 22h. À demain, les gars. Eh ben, parfait. Salut, les gars. Ciao, ciao, bye bye, bonne nuit. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Allez, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Minuit 8. À la cool, ça va Mina? Oui, ça va très très bien. En mode foot le cœur ce soir. C'est vrai que c'est elle qui m'a dit ça, mais c'est vrai qu'elle elle a le t-shirt. Je suis malade, hein. Les gars, je vous préviens, avant 3h du mat, ça va être dur. Hein. Non, mais je vous le dis. Parce que t'as dit du mal de ma chemise, c'est pour ça. Ouais, ça doit venir de là. Ouais. Ça doit venir de là. Putain, j'ai chaud, j'ai 42 froid et tout, c'est une horreur. Qu'est-ce que tu veux, 42 de quoi? Ah, des chaussures? Bah oui. Ah, d'accord, ok, très bien. Oh là, putain, Toff, ça y est. C'est drôle. Les vannes sont parties là. Bah, ça y est, là. Les vannes de vieux. Je donne tout. Blague de papa. Les vannes de vieux sont parties là, c'est le top. Bon, Amina, passez une bonne journée. Oui, très très bien, tout va bien. Hier soir, Toff m'a emmené voir des prostituées. Ah! Oui. Donc non, vous avez alors, de la chance. Alors il faut expliquer, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a parce encore que, donc je ne l'ai pas emmené voir des prostituées. Je suis allé faire le plein d'essence de la voiture. Ouais. Et donc, chez les putes. Non. Et donc dans une station essence normale. Très douteuse. Ouais. Du périph. Ouais. Mais Madame Amina, qui bien évidemment ne pouvait pas attendre de fumer sa clope, sort de la voiture. Et donc là, il y a un mec un peu chelou qui attend pour payer, qui attend pour gratter de la thune. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, je vais aller dans le petit coin là-bas, tout sombre, où il se passe sûrement des choses bizarres pour aller fumer ma clope. Eh bah évidemment. Et après, c'est toi qui tombe sur des gens chelous. Bah ouais, oui, ça doit être ça. Et il y avait plein de gens qui sortaient des buissons et tout, mais laisse tomber, catastrophe. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, j'entendais du bruit, je pensais que Toff se faisait agresser, j'ai commencé à taper 17 sur mon téléphone pour appeler les secours. Oh. Alors qu'en fait, pas du tout, moi je faisais le plein tranquille. Bah oui, c'est ça, tranquille. Mais hey, t'inquiète pas, si t'arrives un truc, faut pas compter sur Toff pour venir. Chargé, hein. Ah bah ça j'ai bien compris. Lui si t'es pas en retour dans la voiture il démarre hein. Ah bah j'ai vu, j'ai dû courir. Bah tu m'étonnes évidemment. Ah non, il faut raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a encore, Donc je suis en train de faire le plein. Il y a une autre bagnole qui fait le plein. Dans quelle voiture monte Amina? Non, toujours. Bah, mauvaise. Oui, non mais ça c'est, alors ça par contre, excusez-moi, on va raconter nos vies et après on l'arrête hein. Mais c'était la semaine dernière. Donc je suis garé devant la radio. Toff aussi. Je parce que moi je pars seul et c'est Toff qui ramène Amina et Polo. Je suis dans ma voiture, prêt à démarrer, et là, Amina rentre, elle se met derrière. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je pensais que c'était la voiture de Toff. Elle s'en va après. Voilà. Je l'ai fait toutes les semaines. Et il faut savoir qu'elle a fait ça aussi avec un mec qu'on connaissait pas, où elle est montée de tête dans la voiture. Il y avait un Robin, un Renoir, et en fait, les mecs, ils attendaient devant, tu vois. Et en fait, Amina, elle me dit. Et elle rentre dans la voiture, les mecs, ils l'ont regardé, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont rien dit? Bah, en fait, ils étaient choqués, ils pensaient que c'était un braquage ou un truc bizarre. Ah bah quoi. Oui. Non, je vous offre une paire de chaussures. Vous allez voir. Oui, tranquille. Mais la voiture, elle était noire. Bah oui. Bah oui, c'est la même voiture. Il y en a plein de voitures noires. Bon, Polo va bien aussi? Il va bien, il va bien. Profitez parce que je risque de tous vous contaminer. Ah non. Et juste avant de partir à Los Angeles, heureusement, moi, normalement, je serai remis. Par contre, vous, pas sûr encore. C'est sympa. Non, mais je vais pas faire exprès de vous contaminer. C'est juste qu'il y a des chances. On va passer 3 ans dans le même studio. Donc, si tu veux, il y a un moment. Ça risque d'arriver quoi. Bon, si vous voulez passer en direct à l'antenne, 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Vous passez, enfin vous appelez, vous passez. Il y a Seba du coup qui décroche. C'est le numéro 02 703 0071 si vous êtes en Belgique. Il y a Benko qui dit bonsoir l'équipe de la Light. Me revoilà pour écouter la meilleure équipe de la FM. Étoffe que j'emmerde. Et ben voilà, message passé. Merci. Thomas aussi qui dit allez, c'est parti pour écouter les foufous de la Night. Merci Thomas. Il y a Caro aussi, bonsoir l'équipe, ravi de passer la nuit avec vous. Julie aussi, on est tous des malades. Salut à toi. Juju, il y a Raptor aussi, salut équipe, content de vous retrouver, ça fait 5 mois que je suis pas revenu, faites-moi péter de rire ce soir. Eh ben écoute Raptor, j'espère que c'est pour une bonne raison, t'étais pas là pendant 5 mois quand même, hein. J'espère, hein. Attends, manquera plus ça quand même. Il faut un justificatif d'absence. Exactement, voilà, un certificat médical, sans quoi il y aura sanction. Donc 01 40 71 5000, venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et sur Instagram. C'est MIKL officiel. Voilà, si vous voulez passer en direct avec nous, donc vous êtes les bienvenus. Il y a tous les moyens possibles et inimaginables. Là, on écoutera le son de Mike Perry qui arrivera tout à l'heure. Il y aura Nicky Jam également. Le son des Chainsmokers. Et Sound of Legion, voilà, ça arrivera tout à l'heure avant 1h du matin. Il y a la cave du blogueur aussi qui dit toutes les nuits de la semaine et même le dimanche, c'est avec toi, même en arrêt de travail. Ah bah c'est gentil. Bon bah merci en tout cas pour tous vos messages. N'oubliez pas, ça marche aussi par SMS. C'est Mickaël et votre message au 6-11-12. Laissez bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse évidemment vous rappeler. Bon, s'il y a un médecin ou une infirmière qui m'écoute pour voir ce que je peux avoir. Non, parce que je vais regarder sur internet. Venez sauver le malade. Je pense que je risque d'avoir. Ah non, regarde pas, ils vont dire tu vas mourir demain. Ouais, j'en ai bien peur. Hein. J'en ai bien peur. Ah, vous croyez que j'ai rien? Eh ben venez, je vous crache la figure. Crache sur l'espagnol, non, voilà. Sur Toff. Comme ça, au moins, vous verrez si effectivement j'ai rien. Bon, on va s'écouter Kenji Girac maintenant. Et puis, on va revenir avec vous toutes et vous tous en direct. 01 40 71 5000. On fera aussi les appels mal intentionnés ce soir. Et puis, je sais pas si vous avez vu. Il y a un mec en Italie qui n'a pas supporté le divorce avec sa femme. Bon, on peut l'imaginer, hein. Le mec, oui, un peu relou, tout ça. Voilà, il supporte pas, il est super jaloux, bref. Et donc, il a essayé de lui mettre le feu. Cette espèce de trou du cul. Sauf que c'est lui qui a fini complètement brûlé et sa femme n'a rien du tout. Oh là là, donc le mec est complètement con quand même. Hein. C'est incroyable. Comme quoi le destin parfois. Ouais, c'est clair. Donc venez nous parler de vos pires disputes de couple. Est-ce que vous avez déjà eu des disputes de couple complètement improbables? 01 40 71 5000. Vous prenez votre téléphone, vous nous appelez, on en parle. Par SMS aussi. Donc Mickaël et votre message aussi, 11-12. Et puis Facebook, Twitter, Instagram. Donc comme je l'ai déjà répété, c'est MIKL officiel. On parle de tout ça dans un instant. Juste après le son de Kenji qu'on écoute maintenant. Kenji Girac à minuit 14. On est sur Énergie, passez une bonne nuit. me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol, mi fuerza, mi sol. Hermanos es más alegre cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros, mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Sur Énergie, passez une bonne nuit tout le monde, il est minuit 17. Mickaël sur Énergie. Ce sont des sensations, des goûts, des couleurs. Mickaël. Intense et suave. De la passion et de la force. Œuf et son saveur. Des miettes de cerveau, des proues du périnée. Polo, de la dureté, de la noirceur. C'est dégueu et un peu salé. Amina, c'est quelques grains de semoule et de la douceur dans ce monde de brut. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Tous les goûts sont dans la nature. Et il y a Jeanne-Françoise qui dit « Attention Mickaël, si tu es malade, tu es vulnérable et donc c'est toi qui risques de te faire contaminer par les germes de Toff. » Oui. Oui, vu comme c'est ça. C'est possible. Hein. C'est même plus que probable. Oh là là là. C'est même plus que probable. Il y a Myrna aussi qui dit « Coucou, je vous écoute de Mexico, trop bien, salut. Je vous écoutez au travail. » Ah oui, putain. Mexico. Oui, avec le décalage horaire, du coup, ça a fait un peu bizarre. Hein. On fera une émission à quelle heure à Los Angeles, du coup, semaine pro ? Ah bah 15h, 15h-18h. Ouais, c'est ça, ouais. 15h-18h. Bah oui, il y a 9h de moins. Ouais, c'est ça. Voilà, semaine prochaine, on sera en direct de Los Angeles. Pour ceux qui se posent la question, ça ne sert à rien. On parlait en vacances à la base. On était juste en mode vacances et on s'est dit qu'on allait faire l'émission là-bas plutôt que de mettre du best-of. Donc voilà pourquoi on part là-bas. Vous dites pas oui, comment ça se fait, une émission de nuit qui part là-bas, pourquoi faire ? Bah pour rien, comme ça, voilà. Pour le plaisir. Exactement, exactement. Les routiers de la night, sous votre écoute. Sous votre écoute, ça ne veut rien dire. Vous êtes au top, c'est Thierry, je te kiffe trop. C'est gentil à toi, Thierry. Merci pour ton message. On va reparler dans un instant de vos pires disputes. T'as déjà eu des grosses disputes avec ton mec, un de tes mecs, Amina ? Bah oui, oui. Malheureusement. La pire. Bah, la pire, c'est quand j'ai découvert que mon ex en fait sortait avec une de mes copines depuis je sais pas combien de mois, qu'il la voyait le matin et moi l'après-midi. et avec une troisième nana. L'organisation. Ouais, le mec avait quand même du respect, vous voyez pas les deux en même temps. Oui, oui, c'est très sympa. Sauf qu'on s'en est rendu compte et donc du coup on a mené un plan machiavélique et on s'est pointé à son boulot, toutes les deux en même temps. Ah, sympa ça. À midi pour couper la poire en deux, hein, tant qu'à faire. Ouais. Et en fait, il travaillait dans un magasin type Simply Market, tout ça. Ouais. Et en fait, on a foutu le bordel, quoi. Ah putain, on a gueulé. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il était déjà en couple avec la caissière. Ouais, c'est ça. Non, mais il avait encore une autre meuf. Après, on a été Si, il avait trois meufs. C'est top avec qui t'es sorti, c'est pas possible. Ah non. Putain, pourtant, c'est le même délire. Hein. Sauf que lui, il organise mal. Mais... Ah oui, moi, je. Tu t'attendais à quoi avec un mec qui travaille à Simply Market? Arrête. Quoi, ça veut rien dire. Non, mais c'est vrai. Regarde, il y a des gens qui travaillent très bien, qui travaillent chez Énergie, puis après, il y a Toff. Ouais, mais Toff, c'est pas,